Bonjour et bonjour pour ceux qui vont me suivre durant la journée et bonsoir pour tous ceux qui probablement m'attendaient parce que il était prévu que je vous fasse un petit aperçu sur comment dire, sur les détails très importants, des détails très importants pour tous ceux qui sont détenteurs du livre bleu. Alors, je vais donc tout de suite me lancer dans ces détails-là. C'est très important parce que, comme je le disais tantôt, mais avant de commencer, j'aimerais ici aviser le public que cette vidéo s'adresse premièrement à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne Tatan Zabel le Tout-Puissant et surtout ceux qui sont également membres des trois forums sous le Baobab. Pourquoi? Parce que la majorité de tous ceux qui sont dans ces forums-là sont au courant de cet ouvrage, du livre que j'appelle le livre bleu. J'utilise un code pour tous ceux qui sont nouveaux. Et que ceux qui sont nouveaux, je vous prie donc de rentrer dans nos forums pour avoir plus de détails sur ce livre bleu. Donc, cette petite vidéo, hormis le fait que au cours de notre rencontre en France, j'ai quand même fait un aperçu sur le livre bleu, mais je ne suis pas rentré dans des détails trop techniques. Et permettez-moi donc ce soir de pouvoir rentrer dans des détails techniques. Pourquoi? Parce que, comme je le disais sous les différents forums du Baobab, l'auteur, éditeur de ce livre m'a adressé des correspondances pour me féliciter, pour ne pas dire, pour me faire comprendre que il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commandé le livre et ça, il était même surpris, une demande assez forte. Et sous le forum, je vous donne le nombre, le chiffre de personnes qui se sont intéressées à commander ce livre. Mais malheureusement, quand j'étais en France, comme je le disais, sous nos forums, sous nos trois forums, là, quand j'étais en France, j'ai rencontré des frères qui ne sont pas africains, bien sûr, nos frères blancs, et parmi lesquels j'ai rencontré un qui me dit qu'il a commandé le livre bleu, ça fait 25 ans, et que pour lui, c'était un livre juste d'information. Je lui ai posé la question suivante, mais savez-vous qu'avec ce livre, vous êtes capable de tout? Vous pouvez devenir voyant? Vous pouvez déclencher tous vos pouvoirs psychiques qui sont endormis en vous. Vous pouvez résoudre tous vos problèmes au quotidien. Je dis bien tous les problèmes de la vie. Savez-vous qu'avec ce livre, vous pouvez même devenir président de la République? Il me dit, mais comment ça? J'ai dit, mais bien sûr, puisqu'il y a des techniques pratiques là-dedans. Il me dit justement, la raison pour laquelle je ne veux pas pratiquer parce que, comment dirais-je, c'est vrai que l'auteur explique les rites, mais on a peur. Le fait qu'il explique les rites, peut-être que notre compréhension littéraire peut nous amener ici, comment dirais-je, peut nous amener à une utilisation outre que pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça dit que peut-être que il y a certaines personnes qui sont en possession de ce livre. Mais le fait qu'ils vont tenter de faire certaines expériences, ils ont peur parce que il y a effectivement des avertissements là-dedans, qu'il y a, et je ne cesserai toujours de vous le dire, l'auteur, vous savez, c'est un initié. Hein? Ça a commencé par le vieux messager de son vivant. Ce sont des initiés. Un initié, c'est quelqu'un qui cache, qui vit dans le secret. Il est caché quelque part, vous ne pouvez pas savoir là où il est. Mais il a décidé de diffuser ces enseignements-là parce qu'il a appris auprès des kabbalistes. Il a fait la kabbale, il a fait la mystique chrétienne, il a fait des recherches, il est parti. Bref, il a voyagé jusqu'en Égypte, un peu partout, et il a composé ce livre-là. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, hein, je vous signale, hein, depuis des centenaires. Je vous explique pourquoi. Parce que ce livre, normalement, les gens le découvrent seulement au 21e siècle. Mais en réalité, ce livre existe depuis, je pourrais dire, le 8e, 9e siècle. Les rites qui sont là-dedans portaient d'autres noms. Voyez-vous, tout ce que vous trouvez dans ce livre bleu, si vous voulez, certains mages, c'est-à-dire certains hommes des sciences mystiques, des initiés, garder secret dans leur grimoire les techniques qui sont aujourd'hui disponibles et divulguées au public. Et même le fait que ces techniques soient divulguées au public, il y a toujours une prudence qui s'impose. Laquelle? Eh bien, la chronologie avec laquelle l'auteur a écrit ce livre. Parce que, généralement, l'homme se précipite, il est pressé, il veut tout de suite pratiquer les choses. Mais si vous suivez très bien l'auteur, dans une page quelque part, je crois la page 385 jusqu'à 400, il explique qu'on appelle ça le calendrier évolutif de l'éveil de la conscience. Voilà, il appelle ça le calendrier de l'éveil de votre conscience. Mais ce calendrier de l'éveil de conscience veut dire que dès la première année, vous devez faire tel rite. Dès la deuxième année, vous devez ajouter tel rite. Troisième année, vous devez faire tel rite. Il vous donne un organigramme que vous devez respecter. Et c'est ça qui va nous enchaîner tout à l'heure dans une heure, l'enseignement sur la discipline. Mais nous n'en sommes pas sur la discipline. Hein. Ce soir, le titre, vous avez bien vu, c'est seulement des détails très importants en rapport avec le livre bleu, parce que beaucoup d'entre vous aviez commandé et que l'auteur, le diffuseur de ce livre, est très content parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui avez commandé ce livre. Mais seulement le problème, c'est quoi? Vous allez vous poser la question, tout comme certaines personnes parmi vous que j'avais recommandé. J'avais recommandé auprès d'un ami que je connais depuis près de 30 ans, et je ne veux pas citer son nom ici, mais au cours du séminaire, j'ai cité le nom du monsieur, et beaucoup d'entre vous, j'ai appris, merci pour ceux qui ont commandé donc la pierre Atzel. Il s'agit de la gemme Atzel. La gemme Atzel qui fabrique des talismans très puissants, lesquels talismans, parce que beaucoup ont eu peur, mais moi-même je vous dis que je suis porteur de ces talismans, depuis plus de 25 ans, ok? Je ne peux pas en faire des commentaires, mais je peux vous dire, tentez seulement. C'est vrai que ça coûte très cher, voilà pourquoi la plupart des personnes qui commandent auprès de cet ami, et on rigolait d'ailleurs au téléphone il y a à peine 2 semaines, puisqu'au niveau des États-Unis, je lui ai recommandé près de 5 personnes. Et je vous signale que ces articles vont jusqu'à 5 000 euros, pour votre information. Pourquoi c'est aussi cher? Mais c'est parce que c'est une pierre assez spéciale. Ça s'appelle la gemme Atzel. Bien, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de l'enseignement. Mais juste pour vous dire que, entre autres, il y a certains parmi vous qui ont demandé et qui ont manifesté l'intérêt. Parce que vous m'aviez demandé, oh, mais vous dites non, la sorcellerie, les magies, ce n'est pas bon parce qu'il y a des démons, ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, je vous ai conseillé la gemme Atzel. Et cette gemme Atzel, c'est une pierre très puissante, magnétique. Et laquelle, quand vous la portez sous forme de, je ne l'ai jamais caché, il y a la forme de ceci, et je vous informe que ça coûte près de 3 000 euros. Je vous informe. Et là, c'est en argent. Et quand c'est en or, ça va jusqu'à 5 000 euros. OK? Il y a également, je ne veux pas faire de la publicité, il y a également celle-ci. Vous voyez, je la rapproche auprès de l'écran. Il y a un individu qui tient 2 serpents. Celle-ci, elle coûte presque 1 000 euros. OK? Et là, c'est en argent. Oui, c'est en argent. Mais j'ai l'autre qui est en or. Celle qui est en or, elle va jusqu'à 2 800, voire 3 000 euros. OK? C'est une pierre très puissante. Je dis que ce sont des talismans. Je n'ai rien à acheter, je suis un initié. Mais ce genre de secret, il y a certains initiés qui sont jaloux, qui les cachent pour eux-mêmes. Mais je me suis dit que, à la demande de certains d'entre vous, demandant les portefeuilles, demandant de ceci, j'ai dit non. Il y a des voies et moyens où je peux vous amener. Et je ne veux pas divulguer le nom du monsieur. J'ai déjà donné. Lors du séminaire, le monsieur m'a dit, puisqu'il ne me cache pas, je vous dis, je le connais depuis les années 80, il y avait une rumeur, souvenez-vous, ce qui était avec moi au séminaire, il y avait une rumeur selon laquelle il serait mort. J'ai même partagé la nouvelle avec lui, il s'est mis à rigoler. Il dit non, mais c'est quelqu'un qui portait le même prénom que lui et le même nom que lui, n'est-ce pas, qui était chauffeur et qui est mort. Mais sinon, il existe bel et bien, il vit, et par coïncidence, ils ont le même âge, ils ont la 60aine dépassée. Donc, bref. Ceux qui ont manifesté donc de commander, ils comprennent qu'il a reçu leur commande. Je tiens ici, donc, je parle de tous ceux qui sont membres du Baobab. Deux parmi vous ont commandé et le monsieur ne m'a rien caché, m'a dit oui, ils ont commandé. Mais bien sûr, il ne peut pas me dire les noms, ça n'engage que nous, nous sommes des initiés. Donc, il y a des initiés qui diffusent certains articles sans danger et c'est le cas de ce monsieur. Ce sont des talismans qu'il fabrique, il y a des chaînettes, je viens de vous montrer la mienne, qui est composé des 12 dieux, des 12 planètes. Je ne veux pas rentrer dans les détails. ça coûte presque, ça va jusqu'à 5 000 euros, mais ça, c'est en argent. Ça en fonction de mes moyens. Quand je l'avais acheté à l'époque, ça remonte il y a près de 20 ans. À l'époque, ça, c'était l'équivalent de 1 100 000 francs CFA, parce que j'avais commandé quand j'étais encore au Gabon. Et aujourd'hui, il m'a fait comprendre que ça coûte 1 700 euros. Et là, c'est en argent. Et quand c'est en or, ça va jusqu'à 5 000 euros. Bref, ça, c'est des initiés que ceux qui sont dans mon cercle, je vous ai recommandé, vous n'aurez aucun tourment. Il n'y aura pas un démon qui va vous emmerder. Ce sont des talismans qui sont travaillés par un initié. Il demande seulement votre date de naissance, votre nom et prénom, et il vous compose votre talisman. Et il le compose sous forme de bague et sous forme de chaînette, et c'est en fonction de vos moyens. Je vous signale une fois de plus, ça coûte très cher. Je n'ai rien à vous cacher. Celle-ci, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1 000 et quelques euros, mais c'est en argent. Hein? C'est un bonhomme qui tient, voyez, je me rapproche le camp, voilà. Voilà, vous voyez bien, c'est un bonhomme qui tient deux serpents dans ses mains. Ça symbolise quelque chose et je vous recommanderais d'acheter celle-ci si vous avez des moyens. Et la chaînette, je vous ai montré, c'est autour de 1 800 euros en argent et en or, c'est près de 5 000 euros ou 5 800 $. Bah, c'était juste pour vous dire que les informations que je vous donne, j'ai 7 personnes. En Inde, j'en ai 2. En France, j'en ai 2. Et ceux qui sont en France, les 2 que je connaisse en France, c'est celui-là qui fabrique cet talisman et celui également qui vous produit le livre bleu que vous avez commandé. Voilà, en France, ce sont ces 2-là avec qui je travaille. Au Maroc, je connais également 2 personnes. En Iran, je connais 1 personne. En Arabie Saoudite, précisément à Riyad, je connais un monsieur. Lui, il fait également des talismans très puissants, mais ça coûte très cher. Ça commence à partir de 5 jusqu'à 15 000 euros. Il fabrique des tapis volants. Vous pouvez donc vous envoler avec ces tapis, aller dans l'espace et le temps, aller dans des banques, faire des transactions compliquées. Et là, ça ne demande pas de sacrifice. Mais si vous n'êtes pas un initié, eh bien, je tiens toujours à vous informer, je ne vous cache rien. En ce moment-là, il va vous donner des esprits qui vont travailler pour vous, qui vont pouvoir vous aider à voyager dans l'espace et le temps avec votre tapis volant. Mais dans ce cas précis, il va vous exiger certains sacrifices. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Là, je parle du monsieur de Riyad en Arabie Saoudite. Donc, c'est pour vous dire que ça sont mes réseaux à moi en tant qu'initié. La plupart des initiés sur Terre, ils ont tous des réseaux. Donc, parmi ces réseaux, vous vous êtes intéressé au livre bleu. Donc, ce soir, je vais vous expliquer donc dans les détails certaines techniques que vous avez besoin de connaître avant de pouvoir pratiquer ce livre. Parce que j'ai constaté dans les forums, surtout nos mamans, vraiment, félicitations, la plupart de nos mamans, il y a même certaines qui ont eu le privilège même d'avoir le pentacle du royaume. Pour votre information, le pentacle du royaume, c'est ce gros talisman-là qui vient accompagné du livre bleu, dont vous connaissez le titre. Je garde ça toujours en code secret. En dehors donc de ce gros pentacle, ils appellent ça le pentacle du royaume, ou encore, c'est un gros talisman qui demande beaucoup de travail. Okay? Et je crois que l'auteur en parle ici. Il en parle quelque part. À la fin du livre, vous verrez que, à la fin du livre, voyez-vous, dans les nouveaux livres-là, vous ne trouverez pas ça. Mais moi, dans le vieux livre, il est dit ceci, que oui, il est dit, si vous voulez également, je peux vous confectionner le pentacle du royaume. Ce pentacle du royaume est fait à la main, mais ça demande beaucoup de temps, vous devez être patient. Et une fois il est fait, ce pentacle du royaume, vous devez l'utiliser à chaque fois que vous ferez les rites qui sont décrits dans le livre bleu. Ces rites, donc je vais vous expliquer tout à l'heure dans la pratique comment ça se passe. Donc, il y a une certaine manière, avant de porter ça, parce que je sais qu'il y a une qui a dit « Oui, j'ai même reçu mon pentagramme. » Mais je ne sais pas si vous avez expliqué avant de porter ça ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas obligé de porter ça n'importe où, n'importe comment. Ça se porte, ça dépend de vos moyens. Le mien, par exemple, il est en or pur, 24 carats. Et ça m'avait coûté l'équivalent de 3 millions. Aujourd'hui, c'est près de 7 000 euros. ça, celui que j'ai, je le porte quand je vais dans certains milieux assez difficiles. Mais celui qu'il vous fabrique, il est fait à base de la porcelaine. Donc, c'est très fragile. Ce qui fait que si vous portez ça n'importe où, n'importe comment, ça peut se casser. Et si ça se casse, vous êtes obligé de recommander et je crois qu'il va vous charger des frais pour cela. OK? Ça, c'est à l'époque du vieux messager. Et je ne savais pas que l'actuel diffuseur, M. Moriasson, fait la même chose. Donc, la première chose qui viendra avec votre livre bleu, c'est le fameux pentacle du royaume, qui est un gros talisman. OK? Voilà. Il ressemble à peu près à ceci. C'est un gros, mais il est plus gros que celui-ci. C'est un gros talisman qui est chargé. Hein? Il est déjà chargé selon les rites égyptiens, selon les rites traditionnels mystiques qui datent de plus de 30 000 ans. Donc, l'auteur qui fait ça, il suit une certaine théologie, il suit certaines lois théurgiques. Donc, ça, c'est un. Ensuite, vous avez le CD audio ou cassette des prononciations des noms divins. Parce que, voyez-vous, voulez-vous attendre à la fin, s'il vous plaît, pour me poser les questions? Attendez à la fin, je répondrai à vos questions. Parce que ce que je suis en train de démontrer, c'est très, très important pour les personnes qui sont déjà en possession du livre bleu. Parce que je ne veux pas qu'il vous arrive des maux de tête, qu'il vous arrive des accidents. Je vous ai donné l'exemple à l'introduction de ce monsieur, un Français, que je respecte bien. Il m'a bien dit qu'il a ce livre depuis près de 25 ans, mais il hésite de le pratiquer. Et je vais vous expliquer maintenant dans la pratique pourquoi il hésite et quels sont les dangers lorsque vous vous précipitez à le pratiquer n'importe comment, si vous n'observez pas d'abord. D'abord, l'auteur ne va vous dire nulle part. Hein. Vous lirez tout le livre. L'auteur ne vous dira pas que il faut lire ce livre pendant 28 jours. C'est pour cela que moi je vous dis, j'ai reçu mon initiation directe auprès de lui-même, le vieux messager, quand il vivait encore. Et c'est lui qui m'avait expliqué qu'il faut lire le livre pendant 28 jours. Et après la lecture de 28 jours, il faut faire une révision du contenu de tout le livre. Donc, mémorisez l'essentiel. Et après, vous pouvez commencer à pratiquer. Mais quelles sont les techniques que vous pouvez pratiquer dès la première page de lecture de votre livre? Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Mais retenez que, premièrement, en dehors du livre, vous avez le pentacle du royaume. Ça s'appelle comme ça. C'est un gros talisman. Je viens de vous montrer l'exemple de ma croix égyptienne du rite d'Isis. C'est pareil, puisque ce pentagramme du royaume est fait à partir des rites traditionnels égyptiens anciens. Deuxièmement, vous avez le CD. Au cours du séminaire, il y a l'une des personnes que je ne vais pas citer le nom, quand elle a reçu sa commande, elle vous a parlé qu'elle a reçu également le CD. Donc, ce CD vous aide à mieux prononcer les noms. Et ça ne rentre pas même dans les mouvements respiratoires parce que j'ai écouté ce même CD. Voilà l'avantage de souvent assister à des séminaires ou à des conférences. Parce que moi, j'avais eu une invitation auprès du vieux lui-même quand il vivait encore. Et c'est comme ça qu'il m'a montré comment émettre les sons. Mais dans le CD, quand vous allez écouter, la prononciation des noms, c'est une jeune Française qui s'est évertuée à prononcer les noms, mais malheureusement, ce n'est pas conforme à l'original. Donc, soyez patient. Donc, enfin, troisième élément qui vient avec ce livre, c'est le calendrier des lunes pour faire vos rites du feu. Et les rites du feu, retenez bien que ces rites ne se font uniquement qu'après 2 ans de pratique. C'est-à-dire à partir de la deuxième année de pratique de ce livre, c'est là en ce moment vous pouvez commencer à faire les rites de feu. Et qu'est-ce que c'est les rites de feu? Les rites de feu, ce sont les rites des demandes légitimes qui vous permettent de pouvoir enfin pratiquer au quotidien des rites dans votre studio, dans votre appartement, tranquillement, sans aucune crainte, vous pratiquez ces rites-là en vue de résoudre vos problèmes au quotidien. Vous n'aurez plus besoin à paniquer, à appeler Maître Moréon ou bien, ou appeler je ne sais pas qui, ou aller voir un marabout au Bénin, ou à vouloir dépenser votre argent pour rien. Votre business, ça ne marche pas, au lieu de vous tracasser à dépenser de l'argent, allez voir des faux charlatans, des voyants français, ou je respecte les voyants. Mais après les 2 ans, dans votre propre maison, ce livre bleu que vous avez commandé, s'il vous plaît, c'est une grande richesse. Ça peut vous servir à vous et à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Mais quand je discutais avec l'auteur, il m'a dit une fois de plus, « Monsieur Mouret, nous sommes reconnaissants de ce que vous faites, mais nous, il ne nous est pas autorisé de faire des conférences et de nous montrer au public. Nous sommes des initiés et nous gardons le sceau de la tradition ancienne. Donc, je prends des risques de pouvoir venir ici vous montrer la pratique. Normalement, c'est au cours du séminaire que je devais rentrer dans toute cette technicité. Mais quand même, avec l'autorisation des maîtres invisibles, avec l'autorisation de la loge blanche, de la loge universelle blanche, et avec l'autorisation de la grande confrérie des hautes magies et sorcelleries africaines et indiennes, alors je me suis porté garant aujourd'hui de pouvoir vous montrer les rites les plus importants. Donc, retenez que, avec votre livre bleu, si vous manque le pentacle du royaume, veuillez demander. Faites-en une demande. Mais ne le pressez pas. Ça peut durer jusqu'à 3 mois, 6 mois. Parce qu'ils le font en fonction des lunaisons. Oui, vous pouvez le fabriquer vous-même. Moi, je le fabrique personnellement, mais parce que j'ai atteint un niveau d'initié qui est très élevé. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et il faut le faire en conformité avec le livre bleu. Parce que le livre bleu, ce pentacle du royaume, va de concert avec le livre bleu. Donc maintenant, ceux qui portent le pentacle, s'il vous plaît, vous allez m'écouter ce soir. Parce que il y a une manière, avant de porter ce pentacle sur vous, il y a des mots qu'il faut prononcer, il y a des rites qu'il faut faire. Je ne sais pas si l'auteur vous l'a dit. Et en plus, ce pentacle du royaume, on ne le porte pas n'importe où, n'importe comment. Vous comprenez? Et je le répète que ce pentacle du royaume, vous pouvez demander qu'on vous le fabrique dans tous les genres de métaux. Il peut vous le faire en or pur. Moi, j'avais les moyens. Je demandais qu'on me le fasse, j'ai les moyens jusqu'à aujourd'hui. Je demandais qu'on me le fasse en or pur, 24 carats. Voilà ce que j'avais demandé. Ce qui fait que ça m'a coûté plus, à la valeur actuelle, plus de 5 millions de francs CFA. Donc, auprès de 10 000 euros. Ça, c'était en fonction de mes moyens. Mais aujourd'hui, il vous fait ça à base de certains matériaux très fragiles. Ce qui fait que il n'est pas recommandé de porter ça n'importe où, n'importe comment, parce que ça se casse. Et une fois c'est cassé, vous constaterez que la matière, la base à laquelle cet attachement a été fait, c'est vraiment trop fragile que vous allez le regretter. Donc, c'est mieux de le garder toujours à votre temple. Donc, ce soir, je vais vous parler des techniques pratiques et du réaménagement de votre temple. C'est-à-dire, à quel niveau, au niveau de votre maison, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, quelles sont les mensurations, c'est-à-dire quelles sont les mesures que vous devez avoir par rapport à votre petit temple ou le sanctuaire privé que vous avez dans votre chambre, ok, ou encore sous le bassement de votre maison. Voilà ce que je tenais donc à vous signaler, cela est très important. Bien, maintenant, ce qui aujourd'hui, je veux pouvoir mettre l'accent sur 3 choses. Premièrement, je vais vous parler de l'importance du sanctuaire. Non, pas du sanctuaire, mais, comment dirais-je, du tabouret ou la tablette. Parce que dans votre temple ou dans votre sanctuaire privé, vous avez besoin d'une tablette couverte avec un tissu blanc. Et lequel tissu blanc, il faut le laver à la fin de chaque lunaison, c'est-à-dire à chaque fois que vous ferez des rites dans votre temple et vous couvrez votre tablette ou tabouret d'un tissu blanc, ce tissu blanc, si vous avez été ou partez dans les églises ou bien dans les cathédrales, souvent le prêtre, quand il vient officier, il y a au-dessus de la table, il y a un tissu blanc. Ce tissu blanc suit également une procédure ritualique ancienne traditionnelle. C'est tous les 28 jours, voulais-je dire. Donc, il faut laver ce tissu-là à la fin de chaque lunaison. Donc, après 28 jours, prenez soin de laver ce tissu blanc. Et il y a également une procédure de laver ce tissu blanc. Voyez-vous, donc on ne s'amuse pas quand on rentre. Le livre bleu, c'est la pratique de la théurgie. C'est la pratique des lois magiques et de les mettre en mouvement dans votre lieu d'habitation, dans votre résidence, à partir d'un petit sanctuaire privé qui représente le grand temple universel cosmique dont Moïse en était opérateur, Akhenaton l'appelait ainsi en Égypte, dont Abraham pratiquait, dont David et Salomon et tous ces mecs-là pratiquaient. Mais la différence que vous le faites dans votre petit milieu. Donc, vous mettez en mouvement certaines forces cosmiques que vous ne maîtrisez pas à chaque fois que vous faites un geste, à chaque fois que vous prononcez des mots, c'est-à-dire à chaque fois que vous émettez des sons. Ainsi, aujourd'hui, je vais donc prononcer certains sons à partir du tétragrammaton ou à partir des quatre grandes consonnes du Dieu suprême, Theta Mwanga. Theta, donc justement, tétragrammaton, dont il y aura quatre grandes consonnes. Je vais vous montrer comment exécuter le premier rite que vous devez faire dès que vous commencerez à lire le livre bleu. Parce que je sais qu'il y a une semaine, beaucoup ont reçu ces livres-là. OK? Donc, vous allez suivre attentivement à base de cette vidéo. Donc, je répète encore que je me suis permis, en violation des lois des initiés, parce que l'auteur du livre a, une fois de plus, décliné toute responsabilité dans le sens de, il a dit, je ne peux pas me permettre de faire des séminaires. Mais comme vous, vous avez la connaissance de ces choses, vous avez reçu nos initiations, faites-le avec prudence et simplifiez cela au public. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de venir simplifier les techniques qui sont des techniques prémonitoires, préparatoires pour commencer les rites de base qui peuvent vous permettre déjà d'alléger votre corps astral, de purifier votre corps astral, d'attirer vers vous les effluves positives et tout cela et de vous communier avec l'univers. OK? Donc, ce que je fais, c'est ce qui m'a été donné par mon maître. C'est ce qui m'a été enseigné par certains grands kabbalistes ici aux États-Unis, également en France. D'accord. Donc, nous allons passer à la pratique. Première chose, vous avez votre tablier, OK? Sur ce tablier, vous allez poser vos deux bougies. Vous avez donc le tablier qui est là, OK? Vous avez les deux bougies divines. Nous avons donc deux bougies. Ça, c'est des bougies divines, hein? Celles-là, c'est des vraies bougies divines. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, elles sont sur votre tabouret ou tablette. Rassurez-vous que vous achetez une petite table, OK, sur laquelle vous allez d'abord la charger. Et les techniques de charge sont décrites dans la lumière, dans le livre bleu. On vous montre comment faire les techniques de charge. OK, il suffit d'imbiber vos deux doigts et vous faites le signe de croix qui part du devant vers vous et ensuite aller à gauche d'abord et ramener à droite et conclure au centre avec un cercle où vous pointez la puissance de Chine, c'est-à-dire l'esprit vivant universel ou le Saint-Esprit. OK? Donc, voilà ainsi. Vous avez ceci. Vous avez donc votre tabouret sur laquelle il y a les deux. Ensuite, devant, pour ne pas dire derrière votre tabouret, il faut mettre l'image des saints. Il faut mettre l'image de votre Dieu, de votre religion. Si c'est Jésus, vous le mettez. Si c'est Mahomet, vous mettez. Si c'est, vous êtes judaïste, vous mettez Moïse ou bien Abraham. Maintenant, la question m'a été posée au cours du séminaire, mais qu'en est-il de nous autres qui sommes des libres penseurs? Avons-nous besoin des effigies ou des images d'Ave Maria ou de Jésus, des chrétiens? La réponse est non, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Vous pouvez mettre la photo de quelqu'un qui était un grand patriarche de votre famille. Ça peut être votre grand-père. Mais, si vous lisez bien la procédure du livre, on nous recommande d'utiliser des images des saints. Et ces images des saints sont nombreuses. Vous pouvez avoir l'image du Jésus, des chrétiens. Cela ne dérange pas du tout. Il y a une raison, ils expliquent la raison fondamentale pourquoi il faut cette image. Parce que cette image est une image de canalisation. Elle canalise l'énergie cosmique universelle qui vous permet de vous greffer à cet égrégore. Parce que tous ces mecs-là, c'est des égrégores dans le plan cosmique invisible. OK? Ou bien vous prendrez l'image de Saint-Antoine de Padoue, ou bien l'image de Saint-Joseph, ou l'image, je ne sais pas, de Saint-André. Il n'y a pas de problème. Ce sont des entités qui existent et leur énergie est constamment en action. Donc, vous avez compris la deuxième. Vous mettez l'image derrière. Maintenant, devant vos deux bougies divines, que ce soit devant ou derrière, ça dépend. Mais la procédure veut que soit, là, il y a ces facultatifs. L'auteur dans le livre que je viens de lire, qui a été révisé, le livre bleu, mais quand je vois dans mon vieux livre, on me demande de mettre devant. Il n'y a pas de problème. Ça, ces détails-là, n'importe peu. L'essentiel que vous ayez, ce qu'on appelle un encensoir. Est-ce que j'en ai un ici? Oui. J'ai de toutes les tailles. J'ai les encensoirs de toutes les tailles. Je veux vous montrer lequel encensoir, moi, j'utilise dans mes pratiques. Où est-ce que ça se trouve? Where is it? OK. Encensoir, ouais, tu es au... tu es parti. C'est bizarre, je n'ai trouvé que le couvercle. Bon, vous savez de quoi je parle. Voilà le couvercle de mon encensoir. Ou bien peut-être parce que je peux utiliser le petit. Le gros, là, il est tellement grossier que je ne vais pas le montrer au public. But anyway, c'est bien quelque part, c'est pas grave. Vous savez de quoi je parle quand je parle d'un encensoir. Donc ça, c'est la tête de mon encensoir. Donc cet encensoir, soit il est derrière ou il est devant. Cet encensoir, c'est dans lequel vous allez brûler vos encens. Et là, j'en ai plusieurs. Ça, ce sont les encens à base de... Comment on appelle ça? Laurier, à base de laurier. Et ici, nous avons les encens. Ici, c'est les encens sacrés des rois mages. C'est des encens vraiment très, très forts. Ouais, les feuilles de laurier, c'est aussi un type d'encens. Vous devez brûler. Ici, c'est le roi mage. C'est aussi une forme d'encens. Il y a également l'encens du dragon, le sang du dragon. Ça, c'est de la Chine. C'est aussi recommandé. Voilà, ça, c'est du banjoin, du dragon. Banjoin, ça, il y en a ici. Mais pour le rite, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai près de 10 différents types d'encens. Mais pour ce rite, sur la pratique du livre bleu, il vous faut cet encens qu'on appelle l'encens pontifical. Alors, tout le monde connaît ce que c'est l'encens pontifical. Je ne vais pas exhiber ça ici au public. J'ai un paquet là quelque part. Vous pouvez, si vous n'en avez pas commandé. Donc, cet encens, vous brûlez. OK? Une fois que vous avez fait tout cela, suivez maintenant la procédure. Il faut respecter les points cardinaux. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, voici ce que moi je vous propose de faire. Vous partez dans machin et commandez-vous, vous téléchargez ceci. Vous voyez, ça c'est un compas. Voilà un compas. Donc, vous pouvez le télécharger à partir de Play Store. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Mais vous pouvez. Il y a l'app, voilà, cette app. Vous cherchez l'app de GPS ou encore le compas. Rassurez-vous, maintenant je vais me lever. Mais moi je connais, puisque ça c'est mon temple, c'est là où je fais mes travaux. L'auteur nous dit quoi? L'auteur nous dit que quand vous commencez votre rite, il faudrait que vous soyez côté est. Là, je suis en face de l'est. Et voyez, mon compas, effectivement, indique bien que je suis est. Je le rapproche de l'écran. Voyez, ça indique bien que c'est côté est, c'est en anglais, east. Alors, je trace dans ma chambre, je sais que ça, c'est le côté est. C'est là où je vais commencer mon rite. OK? Donc, le reste importe peu. Parce que votre rite, quand vous allez le faire, même dans le bouti, on vous demande toujours d'aller de la gauche vers la droite. de la gauche vers la droite. OK? Vous ne pouvez pas aller de la droite vers la gauche. Non, non, non, non, non, non. Là, vous allez bousculer les forces de la nature. OK? Donc, la première des choses que vous devez retenir, le compas, si vous n'êtes pas très sûr de l'appartement où vous vivez, vous ne savez pas où se trouve le côté est, parce que c'est là où votre rite commence, vous devez pointer à l'est. OK? Donc, là, vous avez identifié. Maintenant, la question que je vous ai posée, où est-ce qu'on met le tabouret? Parce que si vous voyez dans les instructions de l'auteur, il ne vous précise pas si le tabouret doit être devant ou derrière. Maintenant, je vais vous le dire, puisque moi, j'ai reçu cette initiation directement. Vous mettez le tabouret au centre. Je répète, vous mettez votre tabouret au centre de votre sanctuaire. Et vous commencez votre rite, donc, devant le tabouret qui est au centre. Le rite, c'est, vous commencez par la croix des cinq éléments. Naturellement, comme je l'ai démontré au cours du séminaire. Ato ve makut ve webura ve wedullo le olam amin. Là, j'ai dit ceci devant le tabouret. Maintenant, je fais un pas en avant. Quelqu'un m'a posé la question, mais combien de pas? Ça dépend de la grandeur de votre maison. Vous pouvez avoir 2 mètres sur 2 mètres de chaque côté. C'est bon pour commencer votre rite. Donc, le tabouret au centre. Maintenant, je me déplace et je me mets devant le tabouret. Donc, le tabouret derrière. Et je commence. Comme cela est indiqué. Je déplace d'un mètre, d'un pas, je me retrouve ici. Je n'ai plus besoin de compas parce que je tourne tous les 90 degrés. Je fais la même chose. Adonai. J'avance. Le tabouret est tout derrière et les deux bougies sont allumées. Je fais la même chose ici. Hey. Ato gibor leolam Adonai. Je reviens devant mon pied, au point de départ, là où j'ai ouvert avec la croix des cinq éléments. Et je dis ceci. Devant moi brûle le pentagramme. Et derrière moi brûle l'hexagramme. Au-dessus de ma tête se tient la Shekinah de Dieu, la couronne de vie. Devant moi se tient Raphaël. Derrière moi se tient Gabriel. à ma droite se tient. Michael, à ma gauche se tient. Ariel, et dès que vous avez fini, vous pouvez maintenant rentrer dans votre séance de prière. Et ceci, vous êtes toujours devant votre tabouret. Quel tabouret se trouve au centre de votre sanctuaire privé, au centre de votre temple. Et vous pouvez parler parce que tous les quatre points cardinaux, les archanges que vous avez cités, les grands génies qui gardent les quatre coins de la terre, lesquels quatre grands génies qu'on appelle archanges puissants, qui tiennent les quatre coins de la terre et les vents de la terre, ce sont eux qui ont contribué au grand déluge universel qui s'est passé lors de l'Atlantide. Et c'est ces quatre archanges que normalement vous citez ce nom parce que vous êtes sécurisés déjà par la croix des cinq éléments et vous êtes sécurisés par tous ces tons que vous avez tonnés. Et une fois vous avez fini, vous ouvrez votre séance, c'est-à-dire que vous ouvrez votre cœur maintenant, vous pouvez maintenant parler et expliquer votre problème. Et si vous vous habituez à faire ceci tous les jours, normalement, vous n'aurez aucun problème. Alors, vous avez terminé. Par habitude, même dans les arts martiaux, on ne nous demande jamais de tourner à gauche. Vous tournez toujours de la droite, de la gauche vers la droite. Alors, vous tournez et vous avez fini votre lutte. Je ne reviendrai plus dessus, ça ne se répète pas. Donc, voilà un peu, en résumé, comment ça se fait. Le seul détail où je veux revenir, c'est sur la tonation, c'est sur les sons. OK? Vous avez remarqué que quand j'étais à l'Est, j'ai utilisé les tétagrammes, les quatre consonnes. Mais on ne les prononce pas n'importe comment. Ça se prononce avec la respiration. Yo! Mais quand vous allez écouter les sons dans le CD que l'auteur va vous envoyer, vous verrez qu'il y a une petite différence. Parce que en hébreu, moi j'ai étudié l'hébreu en théologie et jusqu'à présent, j'ai des dictionnaires hébreux. Il faut étudier la phonétique hébraïque. Il faut savoir comment prononcer. On ne prononce pas ces noms-là n'importe comment. Et je le répète, que cette vidéo, elle n'est pas à essayer par qui que ce soit qui n'a pas reçu une initiation de ma part ou bien qui n'est pas membre de mes forums ou membre affilié à mes enseignements. Ceci reste valable et applicable. Les détails que je diffuse ici, c'est seulement à tous ceux qui sont membres de mes forums, qui sont, je ne dirais pas mes adeptes, mais les personnes qui me soutiennent dans la diffusion de nos rites traditionnels, lesquels rites ont été modifiés, amenés vers l'Europe, à gauche, à droite, mais qui viennent de l'Égypte antique, mais qui viennent de loin, parce qu'elles partent de Mu. Mu qui a existé il y a de cela 1 million d'années, 200 000 ans, en passant au Tibet, il y a de cela 800 000 ans, et il y a de cela 600 000 ans, ça s'est retrouvé dans la zone de l'Atlantide. Et de l'Atlantide, après la dispersion, pour ne pas dire la destruction de l'Atlantide par un grand déluge dont parle la Bible de manière un peu truffée, ça a été transféré en Égypte il y a de cela 30 000 ans. Donc, tous ces troncages, toutes ces modifications, par la volonté de Dieu et de nos génies, nous avons quand même pu conserver l'originalité de certaines pratiques. Alors, l'auteur de ce livre vous aide à pouvoir appliquer, adapter à votre situation. Mais, ce que je viens de démontrer, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, une fois vous êtes en possession du livre bleu. Ce que je viens de faire s'appelle le rite de la croix des éléments. Vous tracez la croix des éléments sur vous. Conséquence, ça purifie votre corps astral, ça purifie votre aura, et à force de répéter ça, vous verrez que vous serez à l'abri des attaques des nocives. Vous pouvez le faire soit couché sur votre lit, en imbibant vos deux doigts de ma salive, vous tournez, et vous tapez sur le front Ato et vous descendez vers Malkout. Il faut prononcer le H. Il faut toujours le H. Ator, il y a le H à la fin. Le H se prononce le W se prononce Je sais que je suis en train de faire n'est peut-être pas parfait à 100%. Mais allez-y faire écouter ceci auprès d'un rabbin. Allez-y faire écouter ceci auprès de l'initié. Il vous dira que je suis sur la bonne voie. Je répète que ce que je viens de faire, c'est uniquement réservé à ceux qui sont des miens. Mais si vous êtes tout nouveau, n'osez pas pratiquer ce que je viens de démontrer. Et je ne serai pas responsable des dégâts que cela va entraîner. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je ressens en ce moment après avoir prononcé ces mots sacrés. Donc cela était très important. Le détail est qu'il faut savoir là vous poser votre tablier sur lequel il y a les deux bougies divines et votre encens qui brûle. Et donc, tous vos mouvements, lorsque vous partez de l'Est pour tourner et faire tout le tour, revenir au point de départ, tout cela, vous devez vous assurer que vous le faites autour. Vous le faites autour de votre tablette, là où il y a les encens et là où il y a l'image des saints. Ou l'image des grands maîtres. Pourquoi? Parce que vous formez en réalité un cercle. Vous êtes en train de former un cercle pendant que vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc vous avez canalisé lorsque vous faites appel aux quatre archanges. Lorsque vous dites que devant moi se trouve le pentagramme, derrière moi se trouve l'hexagramme et au-dessus de ma tête se trouve la Shekinah de Dieu, la couronne de vie. Et vous avez constaté que je garde le silence. Ces détails-là, je ne peux malheureusement pas les diffuser au public. Je vais les diffuser au cours des séminaires ou encore dans nos forums. Parce que le moment, tout ce que je dis dans le silence, je répète que je ne vais pas le prononcer ici car je n'aimerais pas que des gens se fassent du mal. Ce ne sont pas des démons que j'invoque à mes détracteurs, mais j'invoque les forces énergétiques des archanges. Et vous étiez sûrement au courant de ces archanges qu'on appelle en français Gabriel, Raphaël, Michael et Auriel. Mais en hébreu, on les prononce autrement. Et ce sont eux que j'étais en train d'invoquer. OK? C'est-à-dire leur faire appel afin de te mettre autour de mon cercle et que mon travail, ça veut dire que maintenant mes prières et tout ce que je vais demander, les génies vont les conduire tout droit auprès de Teta Mwangalibangaba. Voilà le détail, voyez-vous, ça presque pris une heure, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Maintenant, le deuxième détail. Je vais aller vite, vite. Le deuxième détail, sont ce rite que je viens de faire, vous pouvez le pratiquer, je le répète, dès que vous recevez le livre bleu. OK? Ça fait partie de votre pratique régulière pendant un an. Et la deuxième pratique, c'est la suivante. Vous voyez, je mets maintenant un chapeau sur ma tête. Alors, pourquoi? Tous les rites, normalement, qu'on fait, dans ce livre bleu, il vous faut premièrement une chasuble bleue. Chasuble bleue veut dire quoi? Appelons-le une robe. Donc, allez-y voir un couturier ou achetez les boubous des musulmans, là. Une simple robe. Vous l'achetez, mais elle doit être de couleur bleue. Contrairement à la mienne, qui a ça, c'est un chapeau de pouvoir qui m'a été donné par un grand maître nigérian, mais vous n'allez pas avoir ça, vous achetez plutôt une robe, un chapeau bleu. Mais c'est mieux de le coudre. Les consignes de maître veulent que vous-même vous le fassiez coudre et que ce soit fait par soit une vierge ou bien un homme, une femme qui n'a pas couché avec quelqu'un. Le jour où il fait la couture de ça. Et vous devez être là. Donc, le chapeau bleu et la robe bleue. Ça, c'est pour le rite qu'on appelle le rite Ast ou le rite Aset. Vous connaissez, c'est dans le livre bleu. Ce rite-là, vous pouvez commencer à le pratiquer également dès que vous avez reçu le livre bleu. Mais ce rite doit se pratiquer après les 28 jours de lecture de votre livre bleu. OK? À la différence avec la technique que je viens de démontrer, Laquelle technique vous pouvez commencer à la pratiquer, même à la première semaine de la lecture de votre livre bleu. Mais le rite d'Ast, il faut le pratiquer après 28 jours de lecture du livre bleu. Voilà la différence. Sinon, la première année, voilà les deux rites. Le rite de renvoi, c'est ce que vous faites là. Et vous avez constaté que je trace certaines figurines. Et je répète que lorsque vous tracez ça, vous imaginez une certaine couleur. Et là, je ne veux pas le diffuser au public. La couleur qui part du haut vers le bas, ça, c'est une certaine couleur. La couleur de cette figure que je trace, c'est-à-dire le pentagramme, cette figure-là a également une couleur. Donc, ceux qui sont en possession de ce livre bleu, je vais vous diffuser ça dans nos trois différents forums que nous avons. Parce que je n'aimerais pas que le commun des mortels ou bien les néophytes ou les personnes qui ne sont pas concernées par ce que je dis puissent essayer ça chez eux et vous allez vous brûler, vous casser la gueule. Ne venez pas dire que c'est moi et on nous vient. Mais YouTube connaît mon contrat avec eux. Ils savent que je suis un maître. Je ne me suis pas en train de m'amuser. Je diffuse ici. Je donne l'avertissement, surtout pour aujourd'hui. N'osez pas tenter sans un entraînement au préalable ou sans avoir reçu mon initiation ou à travers un séminaire ou à travers le forum où je peux expliquer dans tous les détails. Sur ce, j'en ai terminé sur cette affaire du livre bleu. Avez-vous des questions pour qu'on puisse se quitter et je me prépare, même si vous seriez en train de dormir, ce n'est pas grave, mais il faut que je, parce que demain je serai occupé, il faut que je fasse la discipline. Avez-vous des questions? Aujourd'hui, il n'y a pas de musique, hein, pardonnez-moi. Oh oui, le sang dragon, c'est vrai, ça coûte cher, ça je peux vous rassurer. C'est un encens aussi très puissant. Mais le top des tops, c'est l'encens appelé l'encens pontifical. C'est l'encens le plus puissant, ça c'est ce que je vous recommande. Et c'est ce que même l'auteur du livre bleu recommande. Il faut l'encens pontifical. Il a une raison pour laquelle il le dit. Avez-vous des questions avant que je ne vous quitte pour que je puisse me préparer au sujet suivant? Oh, vous ne pouvez pas avoir ce chapeau rouge-là n'importe comment. Ça, c'est un chapeau qui m'a été donné par certains frères initiés de Rien. Hein, j'étais chez eux et ils m'ont accepté dans leur cercle initiatique après un rite. Et c'est comme ça qu'ils m'ont remis ça. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Je ne sais pas. Si vous pouvez, je ne sais pas si ça se vend n'importe où, hein, mais vous voyez, c'est bien. Pour ceux qui sont du Nigeria ou bien ceux qui sont du Bénin, du Togo, ils savent qui a le droit de porter ce genre de chapeau. Oui, on peut déplacer, oui, on peut déplacer cette table après la cérémonie. Oui, on peut déplacer cette table après la cérémonie, il n'y a pas de problème à cause de l'espace. Parce que supposez que vous utilisez ça... comment dirais-je, dans votre chambre où vous dormez avec votre épouse. Et je vous informe que je vous informe qu'il n'y a aucun mal de pouvoir. Voici les instructions. Veillez à ce que ce lieu dans lequel vous faites votre travail spirituel des pratiques du livre bleu, que ce soit un endroit très propre. N'hésitez pas à laver régulièrement votre nappe. Bon, là, ils disent régulièrement, hein, mais moi, les consignes qui m'ont été données, il faut laver ça tous les 28 jours, c'est-à-dire à la fin de la lunaison. Nettoyez le sol. Prévoyez une coupelle pour contenir les allumettes usagées et les cendres. Bon, moi, j'ai un briquet. Je n'ai pas besoin de ces histoires-là. Ensuite, aérez souvent cet endroit. Souvenez-vous, au cours du séminaire, je vous avais dit l'élément air doit être rentré toujours dans votre maison. Ouvrez toujours vos fenêtres, même s'il a neigé pendant 2 ou 3 jours. Après cela, dès que la neige est finie, ouvrez. C'est important. Donc, aérez souvent cet endroit et pénétrez-y avec des pensées positives et une attitude très respectueuse. Vous avez vu comment j'étais en train d'invoquer, non? Je baisse la tête. À chaque fois, je baisse la tête. C'est comme ça. C'est ce qui est exigé. Donc, une attitude respectueuse. Ne fumez pas haut dans cet endroit. Évitez de faire pénétrer des personnes, excepté votre époux ou bien votre épouse, à condition que votre conjoint ou votre conjointe suit une voie spirituelle. Vous voyez, hein? Il ne faut pas faire entrer quelqu'un parce qu'il dit Alléluia à Jésus-Christ. Hein? Il faut le bruit. Il vous persécute. vous dit non, c'est diabolique ce que vous faites. Et vous le faites pénétrer là-dedans, vous aurez des problèmes. Ils ont dit ça. Ce n'est pas moi. Ils disent, évitez de faire rentrer dans cette pièce n'importe qui, pour une raison quelconque. Excepté votre conjointe ou votre conjoint à une condition. Si votre conjoint ou votre conjointe suit une voie spirituelle. Ceux qui, pour une raison donnée, ne peuvent installer chez eux un sanctuaire pourront cependant faire les rituels de purification proposés. Une installation rapide de fortune conviendra parfaitement. Et une fois le rituel est effectué, ils pourront ranger les bougies, l'image sainte, etc. Si même cet aménagement-là ponctuel s'avère impossible, alors le rituel aussi peut être effectué, également effectué. L'essentiel résidant dans l'attitude mentale est l'ouverture du cœur. En d'autres termes, vous pouvez même faire ce rituel-là, hein? Même votre cuisine, l'essentiel que ce soit propre. Parce qu'il faut le faire, si vous vous intenez vraiment à le faire. Voilà ce que je peux donner comme instruction par rapport à cela. Maintenant, la question qui m'a été posée, est-ce que vous pouvez fabriquer le talisman de vous-même? Il s'agit de quel talisman vous me parlez ici? Moi, je fabrique le talisman parce que j'ai appris cela, j'ai été initié dans les magies cérémoniales, parce que je connais comment on fabrique cela. Je connais la technique qu'on appelle la technique de la télésmanie pratique. C'est une technique de transfert des énergies, des différentes sources, des génies, des esprits, des démons, des dieux, de qui que ce soit, des arbres, hein, quand il s'agit de remplir certains pentacles, de remplir certains talismans, en fonction des mouvements des astres et tout cela. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fabrique un talisman. Le talisman se fabrique à partir des mouvements talismaniques et à partir de la maîtrise de certaines méthodes talismaniques. Mais si vous n'avez pas été formé dans la talismanie pratique, je dis non. Oui, vous pouvez. La question m'a été posée, est-ce que je peux fabriquer, vous pouvez fabriquer le talisman vous-même? La réponse est oui. Avez-vous d'autres questions? Que faut-il pour initier par vous? Que faut-il? Je ne comprends pas votre question. Vous voulez dire que faut-il faire pour vous faire initier? Que faut-il pour initier par vous? Oh, vous me posez la question, que devez-vous faire pour vous faire initier par moi? Bon, c'est une bonne question. Mais ça dépend. Hein. Vous voulez suivre quelle initiation? Parce que moi, je propose deux. Je propose l'initiation douce, c'est la plus compliquée. Je vous informe, ça demande beaucoup de discipline. Et il y a l'initiation forte, celle-là, vous n'avez pas besoin de discipline. Dans ce cas, maître, c'est mieux d'avoir un endroit spécial pour ce genre de pratique. Si vous voulez, vous pouvez aménager un endroit dans votre appartement. Il suffit que vous donniez les consignes à vos enfants, à vos chiens, bref, tous ceux qui vivent dans votre maison. Parce que si le chien va pisser là-bas ou chier là-bas, ce n'est pas bon. Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit quand je disais que cette nappe-là se lave, c'est une méthode et que je peux vous expliquer cela dans le forum. Bon, si vous voulez, vous le lavez avec du savon végétal. Un savon végétal qui n'est pas un savon de bricole. Ça veut dire que ça doit être un savon bio. Ne mettez pas dans la machine. Lavez à la main avec du savon végétal. J'espère qu'on se comprend. Une fois que vous lavez votre savon végétal avec de l'eau et vous le séchez, pas dans les séchoirs thermiques ou les séchoirs électroniques. Vous le séchez au soleil, naturellement. Laissez le soleil frapper et une fois, vous repassez et vous réinstallez. Voilà la méthode. Quelqu'un me pose la question, est-ce qu'on peut commander une entité? Vous voulez commander quelle entité? Et dans quel droit vous voulez commander l'entité? Pour faire quoi? Je sens que ça, c'est une nouvelle personne. Vous voulez avoir le contact de la personne pour les bijoux? Je vous informe que ça coûte très cher. Hein. Si vous avez vraiment de l'argent, c'est bon. Ces articles les moins chers commencent à partir de 1000 euros. Je crois, si je ne me trompe pas. Non. Je retire. Celle-ci que je vous ai montrée, vous voyez, avec le type qui tient les deux serpents, ça, c'est 1000 euros. Mais il y en a d'autres qui coûtent, je crois, 500 à 700 euros. Peut-on commander une entité? Vous cherchez pour commander l'entité? La réponse est oui, mais est-ce que vous êtes maître pour commander une entité? Et quelle entité? La réponse est oui, mais seulement au niveau, sauf si vous êtes un maître. Allez-y le faire. J'espère que vous savez de quoi vous allez faire. Mais moi, à mon niveau, oui, je peux le faire. Pour aider hein, l'humanité. Moi, je n'en ai pas besoin d'une entité pour m'aider. Moi-même, j'ai déjà atteint le sommet où je n'ai pas besoin de ces mecs-là. Je vais les chercher pour faire quoi? Je vais les chercher, en fait, pour faire quoi? Oui, on peut communiquer, on peut convoquer une entité pour des travaux spécifiques pour aider l'humanité. Parce que quand vous faites certains rites, et si ces rites-là exigent que vous appeliez l'entité appelée Jésus-Christ, vous avez affaire à un chrétien. Le chrétien est borné. Moi, je dis, quand j'étais en France, il y a des gens, je demande, il y a un couple là que j'ai vu, hein, un couple mixte, c'est-à-dire le mari est balan et la femme est africaine, burkinabé, je crois. Ils m'ont dit, non, il faut prier pour nous. J'ai demandé, bon, vous croyez à qui, en quoi? Ils disent, c'est des chrétiens et ils croient en Jésus. OK. Donc, j'ai convoqué l'entité de Jésus. Et eux-mêmes, ils ont vu le miracle. Conformément à ce que Jésus avait dit que là, vous serez à deux ou plusieurs à mon nom. Il suffit que vous m'appeliez et que vous connaissiez le code. Hein. Vous n'avez pas m'appeler n'importe comment. Il faut connaître le code. Je serai là au milieu de vous et vous allez voir ce que vous désirez. Tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Ce couple-là, mixte, ils ont vu le miracle. Donc, la réponse est oui. Si c'est dans ce contexte bien précis, oui. Pour le musulman, c'est pareil, puisque je vous ai dit, je maîtrise également le soufisme. Est-il dangereux d'invoquer son ange gardien? Quel est le danger? D'abord, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est un ange gardien? Il faut d'abord vous initier, c'est-à-dire rentrer dans l'école des connaissances pour comprendre ce que c'est un ange gardien. Il y a un danger? Oui et non. Il n'y a pas danger, je vais commencer par le nom, mais si vous maîtrisez déjà votre ange gardien et vous le connaissez, et je vous informe que moi, en tant qu'initié, je n'ai pas besoin d'un seul, je n'en ai pas un seul, hein, j'ai des milliers autour de moi. C'est-à-dire que chaque être humain, selon Abraham Lelomage, si vous allez lire ce livre-là, même si vous ne le pratiquez pas, mais il va vous donner quand même une information pour vous dire que toutes les 20 minutes, vous avez à votre disposition 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vous avez 4 démons, 4 anges, 4 archanges. Ils sont là pour vous. Toutes les 20 minutes. Et toutes les 15 minutes, ils sont prêts à vous rendre des services. Voyez-vous? Merci pour votre raisonnement. Vous êtes aussi nouveau, vous qui venez me poser la question si on veut convoquer le diable. On ne peut jamais convoquer le diable par erreur. Non, non, non, non, jamais. On ne peut pas le convoquer par erreur. On le convoque volontairement. Oui, vous pouvez convoquer le diable. J'ai des enseignements, ça date de 3 ans, où j'ai le livre encore avec moi, mais je ne vais pas l'exhiber au public. Ce livre, la valeur actuelle de ce livre est de 4 700 €. Il coûte 2 050 000 francs CFA. Le titre, c'est « Comment invoquer le diable et vous donner tout ce que vous désirez ?» Oui, je répète, puisque vous posez une question, il n'y a pas de tabou ici. Ce livre existe, mais vous ne pouvez pas le convoquer par erreur. Mais par contre, vous pouvez convoquer certains démons par erreur. En quoi faisant? C'est pas que c'est vous qui vous le vouliez. Voilà pourquoi je viens de faire la démonstration. Il faut apprendre à prononcer les noms de ces génies-là correctement. Mais si vous les prononcez n'importe comment, oui, vous allez accidentellement faire appel à un démon. Si par exemple, l'ange que vous faites appel s'appelle Mataya. Mataya! Vous appliquez les lois de convocation qui se passent en 3 phases. Ma! Vous attirez l'attention. Ma! Deuxième attention. Mata! Donc, tous les démons dont le nom a ces 2 consonnes des Mata et les anges qui ont le nom Mata, et les archanges qui commandent les noms sont matins, tous sont maintenant debout. Mais il va appeler qui? Et après, vous dites la troisième pour descendre avec la respiration et l'intention et la concentration et la cible. Vous savez, je respire pendant que je le fais. Mataya! Ah, la Mataya! Les autres vont dire, oh, ce n'est pas moi. Moi, mon nom, ce n'est pas Mataya. Moi, mon nom, c'est Matayo. Moi, mon nom, c'est Matayou. Moi, mon nom, c'est Mataype. Vous voyez? Mais Mataya, si vous connaissez bien la pratique kabbalistique, Mataya, qui est le génie numéro X ou Y que vous maîtrisez, va se présenter sans problème. Mais par contre, si vous dites, Matayo, c'est Matayo qui viendra. Mais Matayo, ça peut être un démon. Donc, à votre question, je dirais oui. Vous pouvez accidentellement appeler le nom du diable ou des démons si vous, vous prononcez en mal. Si vous, mal prononcing. Oh, mais le mot français commence à s'échapper. Si vous ne prononcez pas correctement le nom de l'ange ou du génie ou de l'archange et même le nom de votre grand-père. Si votre grand-père s'appelait Agnan Impio, vous dites Agnan Impio, Agnan Impio. Il écoute. Parce que, rassurez-vous, hein, on a 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et les noms peuvent s'assembler et se ressembler. Vous dites Agnan Impio, mais il y a un autre qui s'appelle également Agnan Impio. Ça peut être Agnan Impio. Donc, il faut bien prononcer, hein. Si vous dites Agnan Impio, ce n'est plus Agnan Impio, c'est différent. Ou bien Aman Impio. Ça peut être Aman Impio, ça peut être un démon. Agnan Impio, c'est votre grand-père. Agnan Impio, ça peut être un vieux chinois qui a été tué, exécuté il y a de cela 20 siècles. Donc, il faut faire très attention. Donc, votre question, vous voyez, ça peut m'amener à développer beaucoup de choses. Oui, la réponse est oui. Mais non, non, non. Si vous invoquez le diable, je viens de vous dire, le livre existe. Comment invoquer le diable et avoir tout ce que vous désirez? Le livre existe. Il a été édité à la librairie Inconnue et à la librairie Astre à l'époque. J'ai ce livre avec moi, juste pour, comment on appelle, pour éducation. Merci beaucoup. Voilà, donc, vous avez compris, hein? Vous ne pouvez pas invoquer le diable par erreur, mais j'ai bien compris votre sens, la question. Parce que le diable lui-même, vous pouvez l'invoquer, il va répondre. Personnellement, j'ai fait l'expérience en 1998, autant pour moi. Ça a bien tourné, mais sauf qu'il a refusé de venir. Vous savez, le diable n'est pas un idiot. Hein. Celui que vous appelez le diable, il n'est pas un idiot. Vous allez l'appeler, ou du moins cette entité que vous appelez le diable, vous l'appelez. Mais il regarde d'abord la personne qui l'appelle. Il dit, mais toi, tu m'appelles pour me dire quoi? Toi, moi, je ne peux pas te manipuler. Toi, là, tu es trop malin, tu es trop intelligent. C'est tout. Peut-être, j'ai crié, j'ai appliqué tout ce qui est dans l'autre machin et je suis allé voir la personne qui m'a recommandé le livre. Il me dit, oh, mais toi, tu es déjà à un niveau avancé, tu vas l'appeler, il va te répondre pour faire quoi? Voyez-vous? Et parce que ce diable-là, l'entité diabolique, savait que je venais le tester. En fait, c'est vrai, je venais pour le tester. C'est la même chose. Jésus, quand vous l'appelez, tu venais pour le tester, mais il saura, il dit, mais toi, tu es rigolo, toi, tu vas m'appeler pour faire quoi? Mais si vous l'appelez et que réellement, il y a des gens qui travaillent le diable, ça je peux vous le dire, il y a des gens qui l'invoquent, puisque je vous ai dit, moi j'ai été visiter le temple des Lucifériens, et je vous avais dit il y a 3 ans que ce temple existe ici, à Dayton, là où j'habite, là. C'est là où se trouve leur siège, le siège mondial des Lucifériens. Ils ont des temples à New York, ça, les réunions se passent tous les jeudis, à partir de 23h jusqu'à 3h du matin, ils boivent du sang, et ce sang-là, je vous avais dit, là, ils prennent ce sang-là, c'est tout, ça existe. Donc, il y a des adorateurs du diable, il y a des risques. Maintenant, je vous déconseille. Cher ami, vous qui me posez la question, est-ce qu'on peut invoquer le diable par l'erreur? Avez-vous l'intention d'invoquer le diable? À mon niveau de connaissance, je vous dirais, évitez cela. Car, sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Canaan, mes messages ont pour objectif, un, amener l'éveil de la conscience de l'homme noir. Parce que je m'adresse d'abord à l'homme noir, que ce soit la diaspora, c'est-à-dire nos frères qui sont en Haïti, en Martinique, je ne sais pas trop où, dans les Guyanes, à gauche, à droite, et ceux qui sont encore dans notre terroir en Afrique et ceux qui sont ici aux États-Unis. En anglais, je leur dis la même chose. Que l'objectif d'abord, c'est d'éveiller votre réveil. Vous créez l'éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience passe par la déprogrammation. Laquelle déprogrammation vous va vous permettre de vous déprogrammer de toutes ces conneries que les blancs sont venus vous imposer. Dire que nos traditions sont diaboliques. Dire que le masque est diabolique. Dire que invoquer mon ancêtre ou bien l'honorer, c'est diabolique. Entre-temps, même les blancs, ils le font. Les gaulois le font. Les druidites le font. Mais quelle est cette affaire? Même les Hébreux, dans le judaïsme, ils le font. Le pape lui-même, il est assis sous les crânes de Saint-Pierre. Hein? Le prêtre, il le sait. À Libreville, là-bas, Sainte-Marie, il y a la tête de le type, là, le corps de Monseigneur Anguille. C'est là, avec ma Sainte-Anne Bichet, elle est là. Donc, c'était cet éveil de la conscience pour vous dire qu'il est grand temps que nous nous rentrions dans cette connaissance. Et la connaissance en question donc, vous permet, d'abord, un, il faut passer par la méthode éducationnelle. La méthode éducationnelle, c'est celle-ci. Le diable existe bel et bien. Mais je ne vous y encouragerai pas d'aller l'invoquer ou le provoquer dans son coin. Parce qu'il est tellement puissant et il existe. OK? J'espère que la question que vous posez, ce n'est pas d'aller tenter des histoires comme ça. Maintenant, il y a certains qui ne sont pas, qui s'en foutent, hein, qui signent le pacte avec le diable. Ça, c'est votre choix. Mais personnellement, si vous voulez mon conseil, non. Développez-vous. faites ce qu'on appelle le développement personnel. Et ce développement personnel passe par deux méthodes. Ça passe par l'initiation douce. Quelqu'un vient de me poser la question, mais l'initiation douce, là, c'est quoi? L'initiation douce, c'est un ensemble de techniques que moi-même j'ai accumulé pendant 46 ans de recherche depuis 1900. Je dirais 45 ans parce que c'est en juin que ça fera 46 ans. Depuis 1974, j'ai accumulé, j'ai lu près de 310 livres à gauche et à droite et je me suis fait initier dans 19 milieux sectaires, secrets, mais maçonniques, rosicréciens, par-ci, par-là. Et j'ai fait ce qu'on appelle l'esprit synthétique, syncrétique, autant pour moi. Donc, j'ai fait une synthèse, j'ai retenu tout ce qui est bon. Et maintenant, de tout ce qui est très bon là, je me suis dit que puisque ça marche pour moi, et je n'ai eu aucun problème, je n'ai pas tué mon père, je n'ai pas tué ma mère, même si les gens font des rumeurs sur ça, tous mes enfants vivent, mes petits-fils vivent, tous mes petits-enfants vivent, les femmes que j'ai connues vivent, mon épouse vit. Donc, tout ce qui se passe, au contraire, ils sont heureux, leur vie brille très bien. Alors, je me suis dit que le sac que je choisis maintenant pour moi, je vais appeler cela initiation douce. Donc, c'est un ensemble de mille et une techniques que je peux vous faciliter. Et quand on est rentré dans la forêt du Havre, beaucoup ne se sont pas rendus compte parce que j'avais des initiés avec moi. Il y avait des initiés du Bouiti, des initiés de ceci et cela. Et ils ont vu la méthode que moi j'ai utilisée. Ils se sont retrouvés quelque part parce que j'utilisais certains accessoires que nous utilisons chez nous au Gabon. Mais la méthode, les histoires des coupoles, il faut d'abord faire ceci, faire des signes de croix avant de rentrer et puis rentrer par l'entrée des deux arbres. Cette affaire-là commençait comment? Faire parler le pauvre chien maintenant qui disait basse. Ça les a dépassés. Mais ça, j'ai reçu cela du Brésil. C'est du Brésil que j'ai été initié dans la Macumba, où il faut apprendre à communier avec les animaux, il faut apprendre à communier avec la mer, nature, la forêt. Mais dans le Bouiti, il y a aussi une branche. Mais seulement, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas avancé dans le Bouiti. J'ai seulement mangé mon bois sacré, puis terminé. Je ne suis pas rentré dans les grandes arcanes secrètes de Bouiti. Mais, puisque avec la maîtrise de la connaissance que j'ai eue à gauche, à droite, il y a certains frères de Bouiti qui me respectent, qui me disent, non, papa, toi, tu es trop loin, là, vraiment. Oui, oui, tu es un maître, tu es un imam. Je dis, oh, moi, je suis un imam, comment? Moi, je ne connais pas tous les grands miracles qui se disent, laisse-nous, papa, tu connais trop. J'apprécie cela et merci beaucoup. Mais humblement, je reconnais que je ne suis qu'aussi qu'un apprenti, je ne fais qu'apprendre. Alors, en vertu de ces connaissances, donc, je vous suggère simplement les histoires des diables ou des démons, c'est juste pour information. Informez-vous, au moins, vous saurez et vous savez désormais comment ils manipulent la société humaine. Un, retenir que tous les royaumes du monde, tous les gouvernements, quels que soient leurs idéaux, que ce soit démocratique, que ce soit républicain, quoi que ce soit, tous sont sous le contrôle des esprits diaboliques. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. En tant qu'initié, en tant que Kamite, je vous dis la vérité. Je suis le fils de Kam. Je descends du peuple Kamite. Et c'est la vérité que je vous dis. Dans le monde politique, économique, et voire même sociologique et philosophique, tout a été fait de telle sorte qu'on tue le peuple Kamite. On vient nous désintellectualiser, c'est-à-dire on vient tuer notre intellect africain original en nous amenant, en nous embrigadant dans des programmations. Pardonnez-moi d'être tautologique, ces embrigades ou programmations sont les religions. Religion catholique, religion kimbelikiti, religion musulmane. Mais dans la religion catholique qui était la première, on a eu les religions protestantes, on a eu des religions dédites et rayées. Maintenant, aujourd'hui, les gens oublient que toutes ces religions viennent d'ici, aux États-Unis. C'est le siège de toutes ces religions dites et rayées, dites embrouilleuses, ayant pour objectif, en commençant d'abord par mon village qu'on appelle Ngomo. C'est les jésuites qui ont construit Ngomo en 1840, lors de la libération et enfin de la reconnaissance de reconnaître Libreville comme une ville libre où les esclaves n'avaient plus à être emportés. C'était une drôle de coïncidence, selon l'histoire du calendrier, l'histoire gabonaise. Alors, ces mecs-là, ils nous ont amenés, ils ont créé un Ngomo, il y a l'église qui est là. Mais avec quel objectif? Nous connaissons la réunion de Berlin de 1884. Qu'est-ce qui avait été décidé en 1884? L'objectif, c'était justement de venir. Et ils ont dit, et vous le savez très bien, ils ont dit que nous n'allons pas aller civiliser le peuple noir. Ils connaissent qui est Dieu. Nous ne sommes pas allés leur apprendre qui est Dieu. Ils connaissent qui est Tata Nzambe. Ils connaissent qui est Tata Nyambi. Ils connaissent Tata Bonga. Ils connaissent tout cela. Ils connaissent les règles de la vie. Qu'il ne faut pas coucher avec la femme de l'autre. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tuer. S'il vous plaît, n'allez pas leur enseigner ça. Alors, vérifiez sur cette même chaîne. Le titre de la vidéo est celle-ci. En disant, heureux les pauvres, car ils vivront là-bas au ciel. Allez-y, monsieur, cette vidéo. J'explique tout cela. Et c'est ça que les missionnaires sont venus nous imposer. Oh non. L'or et l'argent, là, il ne faut pas toucher. De manière indirecte, bien sûr. Parce que vous, là, il faut être pauvre, il faut être humble. Vous voyez le prêtre qu'on envoyait? Les prêtres, moi, j'ai vu les premiers prêtres en 1970. Jusqu'en 1974, le père Leptelier, le père Petit, le père Jean, François, le père Manson, c'est des mecs qui avaient que des bicyclettes. On les voit là au quartier, avec les babouches qui sont toutes sales, avec les robes, les mêmes robes qu'ils portaient tous les jours, qu'on dit qu'ils sont pauvres. Et après, on nous mentait que non, ils n'ont pas de salaire. Voilà comment ils nous ont fait un lavage de cerveau. Donc, quand je parle de l'éveil de la conscience, au titan mon kalivankapanka, on risque de rester longtemps ici, hein, à propos de la question là, du diable. Tournons la page, avançons. Alors, on dit quoi encore pour la suite? Maintenant, donc cette initiation douce, je la mets à la portée des gens. En faisant quoi? Abonnez-vous sur le forum. Vous me posez des questions. Et puis, on se retrouve. On se retrouve en France, comme ça s'est passé la dernière fois. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Et pour des raisons diverses, hein, le monde politique, comme je vous disais, tous sont contrôlés par le diable, les religions sont contrôlées par le diable. Et tous ces mecs-là, ils peuvent vous dire quoi? Ils ne veulent jamais vous dire qu'il faut respecter la vie humaine. Bref, allons-y, les francs-maçons, les rosicruciens. Moi-même, je suis un ancien maçon, je suis un ancien rosicrucien. J'ai fait toutes ces histoires-là. J'ai atteint des grades de maître et je sais de quoi je parle. Il n'y a pas la vérité. La vérité se trouve seulement à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est par cette initiation, c'est par cette initiation douce que, au fur et à mesure, vous allez vous découvrir vous-même. Mais ça demande beaucoup de privations. Hein? Et parmi ces privations, ce soir, je vous en parlerai de la discipline. La discipline. Et c'est ça qui manque à nos élites politiciens. C'est ça qui manque à nos gens de la maçonnerie, des rosicruciens, parce qu'on entend des histoires de pédérastie, on entend les histoires de ceci, mais pédophiles, machin, hein, toutes ces conneries-là. Parce qu'il n'y a pas la discipline. Mais nous en parlerons. Ça, c'est un autre chapitre. Et enfin, il y a la deuxième initiation, si vous voulez la choisir. Ça s'appelle l'initiation douce, et plutôt forte. Cette initiation forte, c'est quoi? Mais vous me contactez en privé, je vous donne les noms de certains mecs, que ce soit au Nigeria, au Bénin, si vous voulez vous initier dans le véritable vaudou, où on n'a pas besoin de sacrifier des êtres humains, où on va vous demander de sacrifier un coq rouge ou un coq blanc. Et je vais vous expliquer. On va vous demander l'œuf d'un coq. Et les œufs de coq, moi, j'en ai déjà connu, hein, j'ai rencontré. C'est des petits œufs blancs comme ça, là. On va vous demander ça et je peux vous expliquer. Ou bien, vous allez manger le bois sacré chez moi au Gabon, on vous donnera l'iboga. Et vous allez voir les origines des vobis. Et les Blancs, ils vont là-bas. Les Ivoiriens, ils vont. Les Congolais, les Camerounais. Tout le monde, parce que le Gabon est le seul pays au monde. Rien n'est unique. Hein? Selon Genèse chapitre 3, verset 22, que j'ai prouvé à tout le monde que l'Iboga, là, c'est seulement le Gabon. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça. Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que ça vous fait découvrir vos origines. Et vous allez découvrir beaucoup de mystères. Et vous allez comprendre. Vous allez récupérer votre vie. Et vous allez vous poser la question, qui suis-je? Et vous aurez la réponse à cette question, qui suis-je? Et qui est Dieu? Et vous aurez la réponse à cette question, qui est Dieu? Où vais-je? Et vous saurez la réponse où vous, réellement vous allez. Et pourquoi vous êtes venu sur cette terre? Il n'y a que l'Iboga pour vous le révéler. Et voilà pourquoi j'ai créé Tata Mzambe, le Tout-Puissant, à Ghana, pour justement préserver l'Iboga. Pour en faire l'Iboga une plante sacrée, mais qui doit être préservée, parce qu'aujourd'hui, elle est victime de troncage, elle est victime de massacres. Et même ici aux États-Unis, et pourtant c'est interdit, mais je suis surpris qu'on a fabriqué des ibogaïnes pour aider ces mecs-là qui sont des milliardaires à vivre bien, à vivre longtemps. Parce qu'effectivement, l'iboga, c'est l'arbre de la vie et de la vie éternelle en dehors de la connaissance du bien et du mal. Donc voilà la deuxième initiation. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Je vous écoute. Pour qu'on termine. Battery 40%. Le pentagramme vient avec le livre bleu, blablabla. Ah oui, oui, oui, c'est vrai, une bonne question. Voilà. Merci, Émilie, parce que je crois que c'est toi qui as parlé que tu as reçu ça. Maintenant, cette croix-là, vous ne devez pas la porter partout, vous allez n'importe comment. C'est très important. La croix ou le pentagramme du livre bleu, ça doit rester à votre temple. Et voilà ce que vous faites. Pendant que vous faites votre rite, que ce soit le rite d'Ast, que ce soit le rite que je viens d'exécuter, voilà comment vous faites. Donc, en réalité, je regarde l'Est, mais je suis obligé d'être à l'Ouest pour vous montrer. Vous avez votre... Sorry. Who's this? This is Bryant from Dennis Sunday. No, sir, you made the wrong number. I'm running a show here. I think you dialed the wrong number. Excusez-moi, les gens, moi, je suis en train de faire autre chose. Voilà, donc, voilà comment ça se passe. Avant de démarrer quoi que ce soit, un baiser sur cette croix. Ato! Et après, vous pouvez maintenant porter ça. Là, vous portez et puis vous commencez vos travaux. OK? Voilà comment ça se passe. Maintenant, une fois que vous avez fini, c'est la même chose. Nato! Malkout! Ewebura! Ewebullah! Ewebulamami! Maintenant, vous prenez, avec tout le respect, vous mettez ça devant votre, hein, là où il y a l'image de votre saint ou de votre grand-père. Maintenant, si vous voulez sortir avec ça, comme je vous ai dit, ça, c'est votre choix. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire que vous allez vous balader pour vous dire que ça va me protéger. Non, non, non. Cette machin-là se charge. Normalement, ça se charge au fur et à mesure que vous faites des rites qui sont décrits dans le livre bleu. C'est comme cela, votre pentagramme-là, ou votre pentacle se charge et reçoit beaucoup de pouvoir. C'est au fur et à mesure que vous continuez à pratiquer, à répéter les rites. C'est comme cela, il se charge. Mais il ne se charge pas quand vous marchez avec ça partout. Oh voilà, protège-moi. Comme je pense que c'est un chrétien avec la croix de Jésus. Vous pensez que c'est comme ça que Jésus va vous protéger? Non, il faut activer cette croix-là. J'espère que j'ai répondu à cette question. Hein. Merci beaucoup. C'est clair là, la question a été répondue. Avez-vous d'autres questions? C'est bizarre, hein? C'est silencieux là. Je vous écoute. C'est à moi, gars. Vous avez déjà le sommeil? Alors, je crois qu'on va annuler le... On va annuler le machin, la discipline. Lorsque vous avez tout essayé dans votre vie, rien ne marche. Mais c'est parce que vous avez essayé les mauvaises méthodes. Il y a toujours espoir dans la vie. Si vous êtes parti chez les faux charlatans, si vous êtes parti chez les faux guérisseurs, si vous êtes parti chez les faux guides, c'est tout à fait normal. Et puis, il faut aussi regarder votre vie karmique. Il faut regarder votre passé. Et s'il vous plaît, ça c'est très important ce que je vous dis. Voilà pourquoi l'initiation forte est importante. Parce que quand vous allez manger votre bois sacré, vous allez découvrir pourquoi votre vie patine. Pourquoi tout ce que vous voulez faire, rien ne marche? C'est pas possible. J'ai vu mon maître Moréon ou bien. Il m'a consulté, il m'a dit, je suis là. Mais rien, moi, ma vie là, c'est tout calboigné. Ouais? J'ai fait, ça ne marche pas. Voilà, c'est très important de retenir cela. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous là qui allez dans les mille et une initiations, c'est très, très dangereux. Parce que vous ne connaissez même pas la personne qui va vous initier. Moi, si vous me contactez, et je vous donne les noms là, les personnes. Il y en a trois. C'est des personnes que je connais. S'il vous arrive quoi que ce soit, ça m'étonnerait. Parce que la plupart des gens qui sont allés manger tranquillement leur bois sacré chez ce mec-là, ils n'ont jamais eu de problème. Mais si vous partez chez n'importe qui, parce que quoi on a dit non, le gars là, il est bichoro. Oh, parce qu'on a dit c'est le pygmée. Qui vous a dit que ce pygmée-là a un bon cœur? Il peut ne pas vous montrer le bon chemin. Ou bien, surtout pour vous les femmes, s'il constate que votre esprit est trop fort, c'est un esprit machin, il va vous diminuer, il va vous prendre votre vampire. C'est comme ça qu'on parle chez nous en Afrique. Pardonnez-moi ceux qui sont nouveaux là. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il va prendre votre étoile. Mais cette étoile, c'est l'esprit que Tétan Mwanga vous a créé. Ceux qui sont chrétiens, il est écrit quelque part que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé et finalement, Dieu insouffla dans ses narines le souffle des vies. Et quand il insouffla dans les narines, l'homme devint donc une âme vivante. Donc quand Tétan Mwanga met son esprit en vous, vous devenez maintenant comme lui, vous avez toutes les capacités. C'est cela qu'on appelle l'étoile. Mais il y a certains charlatans, certains initiés, certains imams, malheureusement, des gangas, qui voient cela. Et quand vous partez là-bas, vous allez à gauche, à droite, et vous posez la question, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Mais c'est parce que les gens ont profité de vous manipuler. Un. Et de deux, avez-vous regardé votre vie antérieure? Je reviens toujours dans le bois sacré. Parce que quand vous allez vous initier, quand vous allez recevoir l'initiation forte, ce n'est pas forcément le boutique. Hein? Ça peut être la Macumba brésilienne, ça peut être la Bachano frère nigérien, ça peut être au Bénin. Il y a des vrais gens qui peuvent bien vous regarder, ou même en Inde. Et quand ils vont vous révéler, ils vont vous dire non, voilà, voilà ce que vous avez fait il y a de cela 100 ans. Il y a de cela 100 ans, vous avez tué la tante de votre grand-père. Vous trouvez ça normal? Il y a de cela 500 ans, vous aviez fait ceci, vous étiez ceci. Mais vous vous demandez pourquoi la vie ne marche pas pour vous aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà la réponse à votre question très importante. Je reviens sur la question des brades là. Elle est très indispensable. Donc, ne vous posez pas la question. À un moment donné, vous semblez que tout vous tombe sur la tête. Il y a deux raisons fondamentales. Soit, c'est votre karma. Vous êtes en train d'épurer. On appelle ça la purification. Ou encore, vous payez votre karma. Il y a plusieurs méthodes. Hein? Vous pouvez le payer à la vie présente. Et dans une prochaine incarnation, vous serez meilleur. Mais voilà pourquoi j'insiste sur cet enseignement que je dis là, que il y a ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Bon, question sur l'iboga. Je vous ai dit qu'en France, c'est interdit. Mais il y a les gens qui consomment leur iboga tranquille. Allez-y, mais détruire donc les temples. Il y a mes frères gabonais qui initient les gens là-bas, en France. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas le réseau. Il faut vous renseigner là-bas. Ne me demandez pas. Moi-même, moi, j'ai mon réseau ici aux États-Unis. En France, c'est interdit. Ici, aux États-Unis, c'est interdit. Et nous savons pourquoi. Et je vous l'ai déjà expliqué. Qu'il y a un frère ici, là, avec son histoire de Bouiti, qui est allé faire des initiations. Ça n'a pas marché. Le pauvre Américain est mort. Et ça, ça a énervé les Américains. Il a laissé un mauvais dossier ici, là. L'affaire a été poursuivie partout. Voilà pourquoi les Américains ont interdit. Mais à Miami, en Floride, vous savez qu'aux États-Unis, nous sommes 50 États, donc pays continent. Chaque État a sa loi. Moi, l'État où je suis là, on ne m'interdit pas de consommer. Moi, je travaille à l'hôpital. Même si je suis dans le machin à la psychiatrie. Tous mes mecs là, moi, ils ont consommé mon bois. Je suis allé là-bas. Ils me disent, oh, on connaît ça, on a même un laboratoire ici. Oh, mais il paraît que c'est interdit. Ah, laisse-nous ça, c'est une loi fédérale, mais il va me mettre en prison. C'est parce qu'il y a ce mec-là qui a tué quelqu'un. En France aussi, il y a eu un accident. Hein? Allez-y le suivre, Agora. Le frère, pour nous, là, s'explique. Il dit que non, ce n'est pas lui qui a tué ou il y a eu quoi, je ne sais pas. Allez-y, monsieur, ma vidéo sur la question, là, je la traite. Pourquoi il y a des gens qui meurent après l'initiation à l'Iboga? J'explique cela. Et c'est à l'issue de ces morts-là, des gens, donc la République française s'est fâchée, ils ont sorti un arrêté et c'est resté comme ça. Mais maman, calmez-vous, il y en a toujours. Renseignez-vous, ayez le bon réseau de renseignement. Le bois y est. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce que l'Iboga peut soigner l'ulcère de l'estomac? Moi, je vais vous dire une chose. Avant que je ne mange l'Iboga, en 2011, j'étais à côté de mon grand-père Kakmueka. Il est Pinjito. Ce vieux-là, il nous amenait tous les dosages. J'étais encore tout jeune. Je commençais à manger l'Iboga, j'avais à peine 7 ou 8 ans. Et oui, j'en mangeais au village. Avec le Pinda. Avec, on appelle ça comment? Le tubercule, les tubercules jaunes. Ceux qui ont grandi au village. Parce qu'il y a les tubercules blancs, il y a les tubercules jaunes, il y a les tubercules de Brazzaville. Ah, t'es à moi encore. Donc, les tubercules jaunes, là, quand vous mélangez ça avec l'iboga, donc, voilà. L'iboga, oui, ça peut soigner toute forme de maladie, maman. Toi qui me poses la question sur le cerf, ceci, ça, là. Vous consommez ça à dosage normal. Je l'ai expliqué. Allez-y, monsieur, la vidéo, là, même s'il faisait noir. Allez-y, monsieur, la vidéo, là, où j'étais au Havre, j'explique. Hein? Pardon, je ne veux plus répondre à ces questions. Suivez-moi cette vidéo, elle est ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'explique les bienfaits de l'iboga, ce n'est pas seulement pour l'initiation. Et le dosage qui vous est recommandé, je l'explique là dans cette vidéo, hein, les dernières vidéos que j'ai sorties. Question difficile, que pensez-vous de la philosophie de Dieu d'Emirge? Il paraissait que quoi que l'on fasse, nous sommes piégés. Alors ça, c'est les mêmes, ils doivent s'embrouiller. Vous savez ce que c'est la philosophie? C'est le discours. Mm-hmm. La philosophie, c'est le discours. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc un discours, et Dieu n'aime pas les discours. Celui qu'on appelle Dieu. Il n'aime pas les discours. Voilà. Ce n'est pas une question difficile. Vous adressez à un initié, non? J'ai étudié la théurgie. J'ai étudié la philosophie. Et je vous ai dit que mon meilleur philosophe a été toujours Platon. Parce que c'est Platon, le fondateur de toutes les démocraties. C'est le fondateur de toutes les républiques que nous voyons là. Platon. Hein? Je l'ai étudié. Tout le livre de Platon, c'est avec moi là. Près de 2000 pages. Et même dans les encyclopédies. Donc, les philosophes, c'est des discoureurs. Un philosophe, il écrit ses pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Maintenant, il faut quelqu'un pour venir décrypter ce qu'il a écrit. C'est comme les prophètes. Le prophète écrit ses histoires, mais vous n'allez rien comprendre. Mais c'est à vous maintenant d'avoir l'intelligence. Voilà pourquoi les chrétiens ont dit que non, il faut prier le Saint-Esprit, l'assistant, le paraclet, il viendra nous aider. Ok, continuez à le prier, il viendra. Bon, les cauchemars répétitifs, ça veut dire que faites-moi le rite que je viens de démontrer. Si vous n'avez pas le livre bleu, commandez-le. Le rite s'appelle le rite de purification. Maintenant, je vous ai démontré au cours du séminaire du Havre qu'il y a un rite qu'il faut faire. C'est la croix des éléments. Faites-moi cette croix d'éléments avant de dormir. Faites-le correctement. Vous verrez que vos cauchemars vont s'arrêter. Les cauchemars résultent de plusieurs hypothèses. OK? Les cauchemars résultent de plusieurs hypothèses, mais de plusieurs faits. Alors, je n'aime pas le mot hypothèse parce qu'hypothèque veut dire que c'est peut-être pas sûr, mais je préfère vous dire des faits. Le cauchemar provient de plusieurs faits. Premièrement, vous pouvez demander l'âge de l'amour. Vous cherchez quel amour là? De quel amour vous parlez? Quelqu'un qui me pose la question sur l'âge de l'amour là. L'amour de quoi? Quel amour? Amour agapé ou bien amour pornographia ou l'amour filios ou amour de quoi? Parce qu'il y en a quatre catégories d'amour là. Vous qui me posez la question, hein? Monsieur Bourdet. L'ange de l'amour, allez-y chercher dans le livre de la pratique de la Kabbale. Vous trouverez cet ange-là. J'en connais tellement des milliers que vraiment je ne sais plus. Parce que tous les anges, en réalité, ils sont amour. Et même votre Jésus de chrétien, là, il est amour. Donc, il y en a plusieurs. Mais ça dépend de quel amour vous me parlez là. Je comprends, je sais, je vais seulement vous embêter. C'est l'amour au sens d'agapé, l'amour universel. Hein? Où en étais-je? Voilà comment les pensées, beaucoup trop de questions qui ont défilé sur l'écran. Donc, pour conclure ceci, chers frères, chères sœurs, en réalité, vous êtes allé lire ça où? Un papier imbibé, mettre sous le machin. Si vous avez lu cette recette quelque part, je ne sais pas. Et vous me parlez de quelqu'un qui vous a demandé des bouteilles de ceci. Merci. Ça, c'est des expériences à vous. Oh, pardon. Ne venez pas me demander. Oh. Parce que moi, quand je vais parler là, je n'aimerais pas que ces gens-là viennent dire non, moi, je suis venu les insulter. Vous comprenez? Moi, personnellement, depuis 1974, de toutes les initiations que j'ai subies, que j'ai reçues, 19 au total, que ce soit du côté des Blancs, donc dans les loges maçonniques des différentes catégories, loges maçonniques européennes, les loges maçonniques américaines, dans la Rose-Croix, la Rose-Croix d'or, la Rose-Croix morgue, OK? J'ai choisi ce qui est bon pour moi. Je comprends, hein? On va te demander 7, ceci, 10, cela, mais vous allez amener tout cela pour amener ou pour faire quoi? Vous n'avez pas besoin de tout ce tralala. Vous avez seulement besoin de deux choses. Vous avez besoin de votre détermination, de votre volonté, votre esprit à vous, le développement pour que vous compreniez votre essence divine, pour que vous puissiez avoir l'accès aux arcanes secrètes, pour que vous puissiez communier avec ce que les humains appellent Dieu et être un Dieu au milieu des dieux. Vous n'avez pas besoin de tout ce tralala. Et la véritable initiation, ça ne passe pas par des gymnastiques compliquées. Même ce que je viens de faire là, moi je vous ai montré, c'est parce que vous avez commandé le livre. Moi je ne fais plus, je ne suis plus tout à ce stade-là. Moi je suis au stade où je pense et je l'ai. C'est tout. Mais ça m'a pris combien d'années? Et en plus, je ne suis pas ma première initiation consciente. Il faut retenir cela. Je ne suis pas à ma première initiation consciente. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore à des initiations inconscientes, c'est-à-dire votre éveil mystique spirituel n'est pas encore accompli, n'a pas encore atteint un stade bien avancé. Je suis à ma troisième incarnation de parler des mêmes choses que je vous dis là. Dans les autres incarnations, c'est ce que je faisais. C'était peut-être pas à travers la télévision ou bien YouTube. Je le faisais de village en village, de ville en ville. Dans la zone du lac Tanganyika, dans la zone de l'actuel pays qu'on appelle République de Centrafricaine, Bangui. OK? Ah, vous aussi. Un rêve lucide, comment ça va être dangereux? Vous posez une question comme ça, les rêves lucides sont-ils dangereux? Comment ça va être dangereux, vous aussi? Le rêve lucide, même le mot le dit, non? Comment ça va être dangereux? Il n'y a aucun rêve qui est dangereux. De surcroît, un rêve lucide. Le rêve vous donne des messages. Le rêve vous dit ceci. Mais un rêve lucide, ça veut dire que votre esprit est éveillé. Il n'y a aucun danger. Bien. J'espère que sur cette question du livre bleu, beaucoup de gens me posent des questions hors du livre bleu. Est-ce que tous ceux qui ont le livre bleu là qui me suivent, vous avez bien compris? Avant que je ne ferme le live, parce qu'apparemment l'affaire de sur la discipline, là, on ne va plus le faire aujourd'hui, ça fait tard. Ah, quelqu'un vient me dire comment se protéger contre un Rosicrucien. Ce n'est pas de votre faute. Il y a les gens qui m'ont demandé comment se protéger contre un franc-maçon, comment se protéger contre un bouddhiste, comment se protéger contre un Rosicrucien. Mais vous, vous allez vous protéger contre pourquoi? Vous cherchez quoi? Ils vous ont cherché des problèmes? Hein? Émilie, quelle est ta question? Je crois avoir répondu à ta question là sur le pentagramme ou quoi là. Parce qu'il y a plusieurs questions qui pleuvent. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'un Rosicrucien ni un franc-maçon, s'il vous plaît. Et c'est ça qui nous tue en Afrique. On est trop superstitieux. Je vous dis la vérité. Le sanctuaire, la question sur le sanctuaire, c'est comment? J'ai déjà expliqué le sanctuaire ici. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le sanctuaire? Soyez détaillé dans votre question. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut aller dans le forum. Je vous ai dit au début de mes propos que je ne veux pas déballer le nom de ce livre-là. C'est réservé uniquement à tous ceux qui sont initiés déjà, ceux qui ont déjà commandé le livre. Allez-y dans le forum, on vous dira, je vous donnerai le site. La question d'Émilie, je ne comprends pas jusqu'ici. Le sanctuaire, votre question sur le sanctuaire, c'est quoi? Ça fait trois fois que vous répétez la même question. Je ne sais pas quelle est la question. Je vous ai répondu déjà sur le pentagramme. Je vous ai expliqué ce qu'il faut faire, comment l'imbiber de la salive, le gestuel qu'il faut faire au début de la séance et à la fin de la séance. Et vous n'êtes pas obligé de porter ça partout où vous allez là. Non. Évitez ça. Laissez ça dans le temple. C'est tout ce que je vous ai dit, non? Et c'est comme ça ce qu'on m'avait dit. Vous voulez savoir quoi sur le sanctuaire? Au cours du séminaire, j'ai expliqué. Dans les forums là-bas, j'explique que le sanctuaire, c'est dans votre chambre ou bien vous pouvez choisir un endroit qui vous convient le mieux. Et que rassurez-vous que là-bas, les gens n'y vont pas. Les gens ne vont pas manger. Oui, la réponse est oui. Si vous avez Eliwa, vous pouvez le faire à ce même endroit. Il n'y aura pas de problème. La seule chose que j'avais recommandée, ça s'adresse aux jeunes femmes. Lorsque vous êtes dans vos histoires de femmes, c'est-à-dire quand vous êtes en période de règles, évitez de mettre pied dans ce sanctuaire. Évitez de faire les rites. Tout rite magique, il ne faut pas le faire. C'est clair? Maintenant, je reviens à la question de quelqu'un qui a dit oh, comment se protéger contre le Rosicrucien. Qu'est-ce que vous avez de contre le Rosicrucien là? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que le Rosicrucien vous a dit? Moi, je ne rêve plus. Donc, il n'y a aucun mal. Moi, personnellement, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Si j'ai une vision là, si je vois un rêve là, ce n'est pas un rêve. La chose que je veux voir, c'est que ça va arriver. Soit on me prévient qu'il y a un danger. Soit on me prévient que non, il y a quelque chose qui va arriver. C'est tout. Mais sinon, je ne rêve pas comme les humains normaux. Moi, je ne rêve pas. Je sors seulement à vampire tous les jours. Peut-être parce que je sors à vampire que je ne rêve plus, je ne sais pas. Mais moi, je ne connais pas le rêve, personnellement. Voilà pourquoi quand vous posez toutes les questions sur le rêve, là, je vous dis, laissez-moi ça. Parce que ça, ce n'est plus mon niveau là. C'est trop, je ne sais pas. J'insiste encore. La personne qui dit comment se protéger contre les Rosicruciens, je ne sais pas pourquoi vous demandez cela. Les Rosicruciens, je vous répète que le véritable Rose-Croix. Ah, et vous êtes sûr qu'il vous gâche la vie là parce que c'est la rose, il utilise les techniques de Rose-Croix pour vous faire du mal. Je comprends. Je vous comprends, rassurez-vous, hein, je suis africain avant tout. Mais moi, la Rose-Croix que j'ai intégrée, la maçonnerie que j'ai intégrée, c'est ici aux États-Unis. Je vous dis la vérité. C'est vrai que j'avais des livres de Rose-Croix quand j'étais au Gabon, mais je ne voulais pas. Parce que tout ce qui est mystique et blanc là en Afrique, tout est tout mélangé avec la sorcellerie. Je vous comprends, s'il vous plaît. Hein, je vous laisse moi vous taquiner un moment. Je sais qu'il y a beaucoup de nos frères africains, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel pays, Une fois il rentre dans ces loges-là, que ce soit dans les loges maçonniques, que ce soit dans les loges rosicruciennes, ils ont toujours tendance, je ne sais pas où ils ont eu cette habitude, de faire du mal aux autres. Moi, je peux vous montrer mes monographies. Je suis allé de la première initiation sur mon lit, où j'ai vu le dieu chacal qui est apparu. Anubis. Il est apparu jusqu'au dernier degré, rosicrucien, 10 degrés. On ne m'a jamais montré une technique qu'il faut aller envoûter quelqu'un. Il faut aller faire du mal à quelqu'un. Il faut aller faire ceci. On ne me l'a jamais appris. Mais ces choses-là, on les voit toujours en Afrique. La même chose dans la franc-maçonnerie. Je ne vous cache pas. Mon premier baptême, pour ne pas dire mon entrée dans la franc-maçonnerie, c'était en 1974 à travers mon grand-père. J'étais encore tout jeune. Ah oui, je ne vous cache pas, j'avais à peine 12 ans. Mais lui, il m'avait donné des livres. Il m'avait dit, lis ceci, fais cela. Quand tu auras 15-18 ans, écris à telle adresse. Je me rappelle, la Grande Loge d'Orient. Je faisais cela comme ça. Il m'a présenté des parrains, que je ne vais pas citer les noms ici. Il y a un qui est mort et l'autre vit encore. Mais j'avais toujours peur. C'est uniquement aux États-Unis en 1999. À Baton Rouge, Louisiane, Louisiana State, Baton Rouge. Je n'oublierai jamais. J'ai reçu mon initiation dans une loge, numéro que je parle dans le numéro. En 1999. J'ai suivi les premières cérémonies. On m'a donné les consignes, les gestuels, comment saluer, hein, les symboliques. Tout ça, on m'a appris. Ensuite, en 2002, lorsque je démissionne de Shell Gabon, lorsque je décide maintenant de venir aux États-Unis, j'ai continué à garder le contact. Et là, j'ai suivi maintenant au sérieux, dès 2004, quand je me suis bien stabilisé, à New York, un frère m'a encore branché. Et depuis là, jusqu'en 2007, 2008, j'ai eu mon grade de maître. Parce que vous suivez des cours online. Et ce que je vous dis, je ne vous le cache pas. Aux États-Unis, c'est comme ça. Ça se passe. On ne m'a jamais dit que non. Viens, mon frère. On va te péder. Ou bien, mon frère, toi là, comme on va t'envoyer dans une mission d'aller tuer quelqu'un. Non, on ne m'a jamais demandé ça. Hein. Ça, c'est la loge maçonnique américaine. Et ce que je vous ai dit, que je ne cesse de vous répéter, là-dedans, il y a le secret. Et dans toute initiation, vous qui me demandez là, vous là, vous initiez avec moi là. Moi, je vous observe, hein. Moi, je ne peux pas m'échapper des quatre lois fondamentales de la magie. Elles sont les suivantes. Oser, vouloir, savoir et se taire. Je répète, oser, vouloir, savoir et se taire. Et dans ce savoir, il y a la connaissance. Donc, une fois vous donne toutes les connaissances, vous osez, vous pratiquez et ça marche, vous gardez le secret, c'est pour vous. Vous comprenez? Maintenant, chez nous ici, moi je suis dans le corps médical, nous avons notre loge pour les médecins, pour les choses là, tout le corps médical et tout ça là, les psychiatres, on se retrouve. Et pour les militaires, ils ont pour eux. Vous comprenez? Et on ne vous oblige pas du tout. Ils ont, c'est vrai, le machin du secret. C'est normal, vous aussi, vous allez tout parler des choses d'autres n'importe comment. Il y a des secrets qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est normal. Je suis d'accord avec ça. Même dans les initiations de Bouiti, quelles que soient les initiations sur entrée, on m'a toujours dit qu'il faut garder le secret. Mais c'est tout à fait normal. Rassurez-vous que tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de secret. Le livre bleu, ce que je viens de vous dire, machin là, je vous ai dit quoi? La partie secrète, je vous ai dit non. Seulement la pensée et la couleur des signes que j'ai fait sur les pentagrammes là, je ne peux pas diffuser. Ça fait partie du secret. Il faut que je vous en parle seulement ceux qui sont initiés, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu le livre bleu, c'est à eux que je vais donner ces secrets-là maintenant. Mais je ne peux pas le diffuser ici au public. C'est tout à fait normal. Vous allez au Mali, au Sénégal, quand vous allez vous initier dans cet rite secret du Mali, le frère Ndoumbia ne pourra pas me dire le contraire. Il y a la troisième chambre initiatique qu'on appelle la chambre réservée uniquement aux grands, réservée uniquement aux initiés qui ont atteint un grand grade. Vous lisez la Bible, c'est la même chose. On vous parle du Saint des Saints. Mais dans le Saint des Saints, ce n'était pas n'importe quel Nyakoué qui accédait. Il n'y avait que Aaron. C'est Aaron. Vous en souvenez même l'histoire de ceux deux enfants, non, qui ont été exécutés, qui ont été giflés par des machins, parce qu'ils ont goûté au vin, je ne sais pas s'ils ont fait bien, ils ont couché une femme ou quoi. Mais on nous dit que c'est le vin qu'ils ont bu, en fait. Parce qu'eux, ils excellaient au Saint des Saints. Donc, quand vous êtes dans le Saint des Saints, il y a des secrets. Je suis désolé de vous le dire. Donc, c'est la même chose dans la Rose-Croix et dans la maçonnerie. Et ça, je peux préfère mourir avec ces secrets, je ne peux pas vous en parler. Mais ça, quand on parle de secrets, ça ne veut pas dire que c'est secret pour aller tuer quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Même sortir d'un vampire, ceux qui étaient avec moi là-bas au séminaire, au Havre, je ne vous ai pas montré le secret là, comment sortir. Enfin, je ne vous ai pas démontré la technique, comment sortir un vampire. Mais est-ce que je vous ai donné le secret? Non! Parce que nous étions en public, suivez la vidéo. Parce que nous étions dans un endroit public. Autour de l'arbre, quand j'invoquais les ancêtres du Havre et les ancêtres de l'Afrique pour la rencontre, est-ce que je vous ai montré le secret et tout? Non! Mais l'endroit n'était pas approprié. Donc, dans toute initiation, il y a toujours des secrets. Bref, pour simplifier tout, je vous comprends. En Afrique, voilà la question que je me suis posée, parce que j'ai fait la différence entre les loges maçonniques et rosicruciennes au niveau de l'Europe. C'est vrai, elles sont basées sur le secret. Il y a l'entraide, il y a l'humanisme et beaucoup plus la fraternité. C'est comme ça. C'est des humanistes. Ils aident. Ils sont là pour aider. C'est normal. Ça, je ne suis pas contre. Moi, je ne vous cache pas. Hein, mon deuxième business, là, j'ai demandé. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'un prêt de 30 000 dollars, l'équivalent à peu près de 18 millions. Mais vous pensez que si j'étais au Gabon, là, je demande 18 millions? On va me demander quoi? On va me demander de baisser la culotte ou bien on va me demander de... Je ne sais pas faire quoi. Les frères m'ont dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu payes tes cotisations. Chaque fin de mois, tu donnes 250 dollars. Nous allons te donner le prêt. Ils m'ont donné le prêt. Ils ont parlé à la banque. Oh, le frère, non, ne regardez pas son crédit. Son crédit, même s'il est mauvais ou il est bon, c'est notre frère. Frater, frater. Coup de fil, simple. Oh, frère, on ouvre, oui, allez-y. Le frère vous attend là. Il vous attend à 18h30 parce que la banque est fermée. Il va vous faire signer les papiers. La secrétaire est déjà sensibilisée. Il n'y a pas de problème. Hein. Vos 18 millions sont passés. Voilà comment ça se passe. Maintenant, le côté tuerie, je ne nie pas. En Afrique, malheureusement, c'est des pratiques occultes. Ils les mélangent avec des pratiques bizarres. J'en parle. Allez-y me suivre la vidéo sur... j'en parle. Là. Vous êtes nouveau, quoi. J'explique cela sur la maçonnerie, les loges maçonniques et la sorcellerie. Est-ce que c'est normal? Je pose cette question-là. Il y a la vidéo même, je crois, elle a battu le record. Là. Elle a plus de près de 7000 views. Là. Hein? Elle est sortie, là. Je l'ai sortie à peine deux ou trois. Mais c'est une vieille vidéo que j'avais sortie sur Facebook. Mais je l'ai diffusée sur notre chaîne. Et les gens se sont intéressés à suivre cette vidéo. Dedans, je vous parle de cela. Oui, vous pouvez vous protéger contre eux. Maintenant, je dois répondre à votre question. Un, la première des choses, c'est qu'il faut déballer le secret de ton ennemi. Pour vous protéger. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous savez que votre frère est rosicrucien, et dans sa rose-croix d'amorque, que je ne sais pas de quelle rose-croix vous parlez. Parce qu'il y a la rose-croix d'or, il y a la rose-croix amorque. Je ne sais pas. Parce que moi, je fais partie des deux. Mais je sais que celle qui est beaucoup plus au Gabon et en Afrique en général, c'est la morque. Ancient and Mystic Orders of Christian, Risen Christian. Hein? Ancienne et mystique rose-croix. OK? Donc, vous lui dites, mon frère, toi dans ta rose-croix là, ou bien dans tes conneries que tu fais, si c'est pour m'en vouloir du mal là, je crois que le mal va retourner vers toi-même. Parce que moi, je connais la rose-croix. Elle n'est pas là pour faire du mal aux gens. Bon, là, vous me dites qu'il est en Suisse. Mais c'est clair. Ça veut dire qu'il a amené ses pratiques du Togo. Il a amené ses pratiques du Bénin dedans. Si vous me dites que la personne qui fait des conneries là, il a amené sa rose-croix là, il a mélangé avec les pratiques. Parce que je veux vous dire une chose, hein, y a les gens qui utilisent la maçonnerie et la rose-croix comme étant une coupole. Et ils se permettent d'amener n'importe quoi dedans. Parce que je vous l'ai toujours dit qu'il y a un règlement qui dit ceci dans leur préambule, qui dit que les loges maçonniques, les loges rosicruciennes doivent toujours tenir compte des réalités de chaque tribu, de chaque peuple et doivent s'adapter à la réalité du terroir. C'est comme ça. C'est pour cela au Gabon, je vous en parle. Hein, je ne me fatigue pas à le dire. Il y a les gens qui ont créé le rite équatorial, les gens qui ont créé le rite des panthères noires, il y a l'autre qui a créé son rite des Lourdes ou des Louvres, je ne sais pas trop. Mais moi, si je peux venir avec mon rite appelé le rite des Orseyok, pourquoi pas? Donc, chacun est libre de créer. Il s'adapte à la réalité de son pays. Mais à la différence que, malheureusement, ils le font, non pas pour la fraternité, pour évoluer, faire évoluer la société comme ça se passe en France. Savez-vous que dans les histoires de fraternité, quoi, là, de votre devise française, là, savez-vous le mot fraternité vient? Mais parce que les personnes qui ont déclaré de l'indépendance de la France, ce sont des maçons, en 1789. C'était la réunion de tous les frères maçons, si vous voulez que je vous en parle. Vous comprenez? Et c'est ça qui a libéré la France. Et tous ces mecs qui se sont battus, les généraux qui sont battus au front, qui ont encouragé d'aller tuer les mecs, les ennemis, c'était des maçons. Donc, ils se sont battus pour la bonne cause. Alors, Laissons ça. Nous allons mettre cette page de côté. Vous êtes ici pour suivre Moréon Oubi. Il ne vous encourage pas de rentrer dans les loges. Mais c'est votre libre arbitre. Tout ce que je viens prêcher ici, si vous trouvez que ce que je vous dis là, c'est mauvais, ne me suivez plus. Mais si vous pensez que ce que je dis, c'est bon, gardez ce qui est bon. Rejetez ce qui n'est pas bon. Vous comprenez? Moi, vous voulez mon point de vue. Laissez ces histoires-là tranquilles. Maintenant, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis comme moi, je vous dirai, soyez libre d'adhérer dans ces milieux. Parce qu'il y a de l'entraide. Tout comme si vous allez à l'église, appelez l'église mormone. Vous connaissez l'église mormone, non? Moi, j'ai une soeur qui est là-dedans. J'ai des amis qui sont là-dedans. Ils sont devenus des docteurs, de ceci, cela. C'est grâce aux mormons. Les mormons vont vous dire, bon, toi, tu viens nous joindre là. OK, toi, tu c'est bon. Sois avec nous, viens ton notre église. Nous, on va te donner l'argent, on va te payer tes bourses d'études gratuites. Mais honnêtement, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs qui sont rentrés là-dedans. Donc, beaucoup de frères et sœurs sont rentrés là-dedans pour profiter. Ils ont eu des bourses d'études gratuites. Je connais un ami congolais, il est rentré là-dedans. Ils lui ont payé ses études jusqu'au doctorat. Il est professeur d'université. Mais en réalité, quand il est parti chez lui au Congo, est-ce qu'il est encore mormon? Donc, dans toute société, les gens vont pour des avantages. Je connais des amis qui sont venus ici sous couvert de l'église Assemblée de Dieu. Mais ces églises Assemblée de Dieu, c'est des églises très puissantes au niveau des États-Unis. Ils l'ont fait venir, ils lui ont envoyé une lettre d'invitation. Le gars a eu sa carte verte. Dès qu'il a eu sa carte verte jusqu'à la carte de 10 ans, est-ce qu'il va même encore à l'église? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que le type fait. Donc, les gens se joignent dans certaines associations, dans certains milieux, c'est pour des avantages personnels. Ce n'est pas pour réellement l'éveil de leur esprit. Vous comprenez? Donc, et vous ayant dit cela, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie au niveau des pays occidentaux, ce n'est pas la voie d'excellence de l'éveil de votre conscience. La véritable voie de l'éveil de votre conscience, ce sont vos traditions africaines. D'abord, nous, en tant que Kémite, peuple Kémite, nous n'avons pas la religion. Nous, notre religion, elle est plutôt scientifique. C'est la science. La science avec conscience. Nos ancêtres existent. C'est le cordon ombilical par continuité de l'existentialité expressive de ce que les humains appellent Dieu. Une fois nous nous connectons avec eux et que nous, nous connaissons nos origines, nous restons câblés sur cette même longueur d'onde que eux, nous retrouvons notre divinité par un développement de soi-même, c'est-à-dire en étudiant et en maîtrisant tout ce que la nature nous offre et en rentrant à l'école de la connaissance et de l'expérimentation, parce que la planète Terre est une école d'expérimentation. Nous avons été envoyés ici pour apprendre. Une fois nous avons tout saisi, nous avons compris la leçon, alors nous allons comprendre nos origines, nous retrouvons notre originalité et la religion, la politique, tout ce que la société peut offrir, en dehors de nos véritables valeurs, originales et fondamentales, tout cela, ce ne sont que des plus juste à titre informel, mais en réalité, c'est de la distraction. C'est de l'embrigadage de notre conscience. Ce sont des programmations qui nous distraient. Ce sont des programmations qui nous écartent de notre véritable originalité, de notre véritable énergie fondamentale. En fait, c'est cela. Donc, ce soir, pour conclure ceci, voyez-vous, un enseignement qui était prévu pour juste 30, 40 minutes, ça nous a amené à ce temps que nous avons épuisé, juste pour conclure que la pratique de ce livre, cette pratique du livre bleu, c'est pour vous aider à éveiller votre conscience. Voilà pourquoi l'auteur a écrit ce livre. Mais ce livre bleu, c'est un ensemble des techniques et des rites anciens puisés dans les grandes archives secrètes de l'Égypte et qui sont à notre portée aujourd'hui. Certes, le langage est un peu compliqué. Il faut un initié pour décortiquer. Il faut un initié pour vous montrer. C'est pour cela que j'ai pris la peine ce soir pour essayer de vous démontrer ceci. Et pour conclure que ce que je vais démontrer, que nul parmi vous, surtout les nouveaux, qui ne comprennent pas l'importance de ce que je viens de faire, n'osez pas tenter ce genre d'expérience chez vous, s'il vous plaît. Et que laissez à ceux-là qui sont en possession de ce livre bleu de tenter ces expériences. Et maintenant, la partie secrète les couleurs qu'il faut visualiser lorsque vous tracez ces figures dans le vide, les pensées qu'il faut entretenir lorsque, au-dessus de votre terre, il y a la Shekinah de Dieu, la couronne de vie, et lorsque vous invoquez les noms des archanges, tout cela, je ne peux pas en parler ici, mais dans le forum, je peux vous expliquer, de bouche à oreille, et également au cours des séminaires. Donc, voici pour conclure que c'est un trésor qui est entre vous. Faites-en un bon usage. Et que Teta Mwamba, l'être suprême, quel que soit le nom qu'on lui donne, celui qui est au-dessus de tout, celui-là même qui nous infuse chaque jour par pouvoir dégatoire, sous couvert de ses génies, ces connaissances que je viens vous transmettre, qui ne viennent pas de moi, mais viennent de lui. Je vous ai dit, ce livre, il faut le lire pendant 28 jours, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour vous donner les heures. Je vous donne seulement les instructions que le premier auteur de ce livre, il y a de cela près de 30 ans, il m'avait dit, il faut lire ce livre pendant 28 jours. Recevez cette vidéo du début à la fin. OK? Moi, je n'ai pas demandé les heures. Moi, mes livres, ça fait partie de la discipline. Moi, tous les livres que j'ai ici, là, avec moi, je lis un livre par mois. C'est une discipline personnelle. Un livre par mois, je dois finir un livre par mois. OK? Je le lirai et je dois le faire. Chaque mois, j'ai un nouveau livre que je lis. Est-ce qu'il y a des heures précises? Non. Là, par exemple, je suis de repos. Je veux profiter de lire, là. De 18h jusqu'à minuit, 1h du matin, je vais lire. Je vais lire. Après, je passe à mes méditations, je passe à mes prières, je fais ceci, mes travaux, les gens avec qui j'ai eu rendez-vous. Donc, je ne peux pas vous donner une heure sur cette affaire. Soyez bénis et que d'ici là, portez-vous très bien. Je crois que l'enseignement sur la discipline, on va le renvoyer pour demain parce qu'il s'est fait tard. Je crois que vous tous, vous êtes d'accord. On se comprend là? Il s'est fait tard. Il est minuit 6 minutes. En France, et minuit 6 minutes au Gabon. Je ne peux pas vous tenir jusqu'à 2 heures du matin pour faire cet enseignement, parce que c'est un enseignement qui dure au moins une heure. Donc, on va renvoyer ça pour un autre jour, peut-être demain, si Teta Mwamba le désire. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous et bon week-end.